êtes de plus en plus nombreux en plus à écouter l'émission. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à écouter Mickaël No Limites que vous allez retrouver là. Bah oui. Ouais, tu sais que j'ai des sondages. Ouais, tous les jours j'ai les chiffres. Ah fort, putain, ouais, t'as de la chance. Ça cartonne de plus en plus. On sent que t'es dans les petits souliers du grand patron, toi. À des années. Ah bah ouais. C'est ça. Allez, bon bah très bien. Allez, bonne soirée pour ceux qui n'étaient pas là hier à 2h. Vous avez raté quelque chose avec Karima et Lilou et Karel aussi d'ailleurs. Le studio sans encore. Je ne vois pas de quoi tu parles. T'inquiète pas, on en parlera lundi soir. D'accord. On en parlera lundi soir. Plein de bisous. Sans problème. Allez, à demain, Loving Fun, le retour. Salut. À partir de 20h demain. Ciao. À demain, ciao. 23h, 2h. Mickaël No Limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Mais oui, on est là en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh ben, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Folie ce soir. Et oui, évidemment. Alors moi, c'est Mickaël. Pour les nouveaux auditeurs qui arrivent, là, soyez les bienvenus, évidemment. Alors bien sûr, je ne suis pas seul pour faire cette émission. Au standard, nous avons évidemment Sandro, que vous pouvez appeler au 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, au 02 851 4x0. Donc n'hésitez pas, hein, Sandro, qui évidemment ne peut pas dire bonjour parce qu'elle est débordée, elle travaille. Elle travaille trop, beaucoup trop. Aïe, je suis noyé. C'est ça? Attends, parce que j'écoute quelqu'un au téléphone. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Elle est noyée. J'ai deux oreilles. Hein. Voilà, c'est ça. Et bah oui, avec un demi-cerveau, donc forcément, c'est un problème. Elle est busy. Voilà, donc pour venir parler avec nous, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Donc vous appelez Sandro, hein, au standard 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, donc 02 851 4x0. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Prenez le contrôle. On est là jusqu'à 2h du match. J'ai aussi à mes côtés Ratoman, alias Toff, évidemment. Hein. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Bah moi je vois très bien pourquoi je dis ça. La dernière fois que j'ai conclu, c'était l'année dernière. Exactement. Et puis évidemment, nous avons Pipoman, hein, Mr. Polo. Ouais. Pipo, attention, c'est du pipo, c'est un instrument, hein. Je suis pas un menteur professionnel. Évidemment, hein. Alors 3, 4. Vamos. Voilà. Merci. Bon, et si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, vous n'avez peut-être pas fait connaissance des nouveaux amis de Toff qui sont, ma foi, très charmants, mais trop charmants même. Hein. Oh, con, hein. Eh ben oui, ah ben, on n'a pas entendu le dire. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Voilà, et puis après on est tombé sur un autre gars aussi très sympathique également. Oui, hein. Ça va te faire enculer, fils de pute. Ah ouais, c'était une dame, pardon, tant pour moi. Donc voilà, quoi qu'il en soit. Des gens sympas. On appellera d'autres personnes tout à l'heure évidemment. Et puis comme tous les mercredis, on va jouer à notre grand jeu, ce magnifique jeu que toutes les radios veulent nous choper également. C'est celui-ci. Je t'emmerde. Exactement. Oh, merde, quoi? Et je t'emmerde. Ah bon. Voilà, la totale quoi, effectivement. Donc si vous voulez jouer avec nous, c'est un jeu très simple, hein, il suffit de placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation avec quelqu'un que vous connaissez absolument pas. Voilà, c'est un petit peu ça le principe. La semaine dernière, on a fait un petit score, hein, de 10 je t'emmerde. Donc si vous pensez pouvoir faire plus, eh bien appelez tout de suite Sandro 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique 02 851 4x0, j'aurai les packs fun pour vous. Donc à vous de jouer et montrez qui est le meilleur. Je compte sur vous évidemment. Ouais. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Alors ce soir j'avais envie qu'on parle aussi des conneries que vous avez déjà fait pour couvrir vos mythos. Non, je vous demande ça en fait parce que je viens de lire une histoire de dingue, hein, sur Facebook. C'est une Brésilienne qui a avalé son portable pour ne pas dire à son. Non mais pour pas que son mari puisse lire un message compromettant. Elle a fini à l'auto quand même. Bah oui, mais comment elle a fait quoi? Non mais à deux doigts de la mort, t'imagines, elle a avalé son téléphone, c'est un truc de fou ça. Toff a sûrement de très bonnes histoires. J'espère que c'était pas un iPhone, hein. Ah oui, j'espère. Oh, t'imagines le truc? Oui, j'ai quelques bonnes histoires si vous voulez. Contraire m'aurait étonné. Je peux vous raconter. Ça ne m'étonne pas, mais on va en parler en tout cas, mais en attendant, direction le standard. Et qui est avec nous? C'est Rémi. Bonsoir Rémi, t'appelles pourquoi? Salut, moi je parle pour parler, parce qu'il y en a marre. Je parle pour parler, oui, effectivement, mais bien vu Rémi. Salut. Bon, je mange pour manger. Ouais, t'appelles pourquoi, tu m'as dit, excuse-moi? Ben, j'en ai marre des filles qui parlent pour dire leur live, ça fait chier. Ah d'accord, ok, très bien. Toi. Eh ben écoute, on va parler pour parler jusqu'à 2h du mat de toute façon. Merci Rémi, ouais. Bouge pas, on va te reprendre dans un instant. On a également Martin avec nous, 18 ans de 7. Salut Martin, t'appelles pourquoi? Salut. J'appelle parce que j'avais ma copine là et je vais le faire pour la première fois. Non, ça c'est bon ça. J'avais ça oublié. Ouais, c'est pas mal. De quoi tu dis? Je l'ai pas taoulé encore. Tu l'as pas quoi? Je l'ai pas taoulé. Tu n'as pas de taroulé. Taroulé, c'est quoi? Je suis peut-être con, hein, pour le coup, mais. Non, mais personne ne sait. Ouais, c'est une expression de 7, là. Ah oui, ça veut dire quoi? On n'est pas à 7, là. Ça veut dire que je l'ai pas paqué, quoi. J'ai paniqué, quoi. Ah, d'accord, ok. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Ouais, bah, bravo, c'est la première. C'est la première. Ouais, je voulais taroulé. Bah, voilà. Mais juste seulement, juste elle m'a touché un peu dans le loft, tu vois. Oui, d'accord, ouais, ok, très bien. Bon, ben Martin, on va en parler dans un instant, alors bouge pas de là. Et puis on a aussi Léonie avec nous, là. Bonsoir Léonie de Strasbourg, t'appelles pourquoi? Salut. Coucou les boss de la radio. Coucou les boss. Oh, c'est gentil ça, Léonie. Les quoi? Les boss. Tu n'oublieras les pinces. Non, les boss, tu n'oublieras pas de demander ton pack fun en partant. Hein. Tu en auras deux. Mettez-en un, c'est pour moi, deux. Bon, Léonie, on va parler de quoi dans un instant avec toi, dis-moi. Un job d'été que j'ai, qui est complètement hilarant et stressant à la fois. D'accord, bah la bonne nouvelle c'est que c'est bientôt fini, hein, les jobs d'été, donc ça c'est bien. Eh ben on va en parler dans un instant. Tiens, on va s'écouter aussi du son ce soir, la Carolina Marquez, t'aimes bien? Léonie, t'aimes bien Carolina Marquez ou pas? Ouais, super. Ouais, sinon il y a aussi Lady Gaga. Que vous aviez découvert sur Fun, je tiens à le rappeler d'ailleurs, avec le son de Applause. Et puis il y en a un qui m'a saoulé là, enfin qui m'a saoulé, ça fait genre deux jours qu'il me le demande, chaque fois j'oublie. Créouella qu'on mettra tout à l'heure. Oh, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu dans l'émission, tiens. Alors, on va se le remettre tout à l'heure là, Créouella. J'aurai aussi le son de Robin Thicke avec To Give It To You. Et puis si vous voulez tout à l'heure aussi, bah, un petit slow take également là. Voilà, show take avec Slow Down. Voilà, donc si vous voulez écouter un son particulier, hein, n'hésitez pas à demander, évidemment, vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter, hein, vous demandez, n'hésitez surtout pas. Et puis on va également saluer tous ceux qui sont connectés là ce soir, comme ça fait plaisir. Il y a Laurine qui est là également, il y a Unreachable, Laurine qui dit Mickaël, bonsoir tout le monde en direct de ma chambre. Bah salut Laurine en direct de ta chambre. Petit Panda qui dit bonsoir mes chouchous, comment allez-vous? Eh bien on va plutôt bien, oui, petit panda. Unreachable aussi qui avait envoyé un message, je parle pour parler. Non, c'est vrai, bah oui, écoute. A priori, ouais. Mathilde qui dit, moi c'est nuit blanche, je vous écoute jusqu'à 2h. Merci Mathilde, bah, sois la bienvenue en tout cas ce soir. Thibaut qui dit, enfin vous êtes là, je vous kiffe grave, vous êtes les meilleurs. Merci Thibaut. DJ Kylian qui dit, fort la meuf. Et Cam63 sur le Twitter qui dit, Mickaël, c'est parti pour une putain de soirée avec la team Mickaël. Merci à toi. Et Roar aussi, alias Célia sur le Twitter qui dit, mort de rire, avaler un portal, perso le mien, je crois pas qu'il va passer dans ma bouche. Non mais cela dit, dites-nous hein, si vous avez déjà fait des conneries là pour éviter de balancer un truc que vous voulez pas balancer, genre à votre copain ou votre copine. Hein, un truc que vous voulez garder en secret et que comme la brésilienne là vous avez plutôt avalé le portable plutôt que de montrer le SMS, ce qui est con parce qu'au final c'est quand même un aveu de j'ai un truc à te cacher. Mais que oui. Je veux pas dire quoi, tu vois. Non mais c'est assez ouf. Mais oui bien sûr, c'est tu elle aurait dû, je sais pas, le jeter par terre. Ouais, genre ah ouais, mais il est cassé. Il m'a échappé des mains, plouf. Merde. Non, mais c'est d'énervement, tu sais, quand tu t'énerves, ouais, t'as envie de balancer contre un mur ou dans l'eau. Ouais, ça tu peux faire aussi, ouais. Mais voilà, c'est assez improbable. Donc dites-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Appelez-nous, on est là jusqu'à 2h du mat ce soir sur Fun Radio et venez prendre le contrôle surtout. Attention, on a aussi une PS3 à vous offrir tout à l'heure sur Fun Radio. La PS3 ce sera sur le Facebook hein, si vous voulez la choper. La PS3, elle est à gagner donc sur le Facebook de l'émission maintenant sur Fun Radio, facebook.com/MIKAELOfficiel. Venez nous rejoindre, il y a FIFA en plus. Et d'ailleurs, je tiens à saluer l'ananas. Voilà, c'est l'ananas qui a voulu. J'ai fait un petit FIFA tout à l'heure en ligne avec l'ananas sur Twitter. Et bon, il l'a eu dans Babas. Ouais, non, bon, c'est nul ça par contre. Non, je lui ai mis un 0. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais on a joué que 2 minutes. Donc il avait calculé le match en mettant 2 minutes. Alors c'est pas facile non plus de mettre des buts. Mais bon, ça va, c'est bien passé. Donc du coup, j'en ai plein qui m'ont rajouté là sur iPhone. Si vous avez FIFA, rajoutez. Hein, c'est M-I-K-L, nos limites en un mot, sans le hashtag. Et comme ça, on jouera ensemble demain. Alors, ce soir, c'est un peu compliqué, mais demain, sans problème, demain en journée on joue ensemble, il n'y a pas de problème à FIFA. Comme ça je vous montre un peu comment on fait, voyez. C'est qui le boss, il va vous montrer. Qui c'est le patron boss. Ici, effectivement, ouais. À FIFA. Voilà. Ouais, ma gueule, ouais. Exactement, il y a même le champion du monde qui m'a dit pardon monsieur. Ouais. Bah, je l'ai croisé, il m'a dit pardon monsieur. Je lui ai dit oh, t'inquiète, c'est pas grave. Il y a Thomas aussi qui dit balancez mon PC par la fenêtre. Bah ouais, mais ne le balance pas, envoie le nous, à ce moment-là on le garde. Mickaël qui dit c'est parti pour Mickaël, yes, trop fort. Et parler pour parler ce soir, bah c'est ce qu'on va faire. Et petit panda qui dit Mickaël, moi je rigole pour rigoler. Eh bah tant mieux finalement, tiens, ouais, finalement. Ramène-nous voilà. Des gâteaux au lieu de faire, voilà. De faire et on va cinéma, prendre là. Et on va prendre Léonie pour parler aussi d'ailleurs. Hein. Léonie, alors on va parler avec toi de job d'été dans un instant, c'est bien cela? Ouais, tout à fait. Et avant que tu m'expliques pourquoi t'es là justement, j'avais un truc à te demander. Est-ce que t'as déjà fait un like sur la page Facebook de l'émission? Je crois pas. Bon, écoute, oui. Léonie, non, parce que je dis ça parce qu'il y a un bar, il y a un bar en Californie, il demande de liker la page du bar pour rentrer. Donc je vais faire pareil ce soir hein, pour passer à l'antenne. Vous faites d'abord un like sur Mickaël officiel, ouais. Sur Facebook, ouais, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Sûr et certaine. On peut aller vérifier. Je peux te faire confiance? Ouais, moi je fais Alex Hot, si jamais. D'accord, eh ben, je vais aller vérifier. Je vérifie. Bon. Et un autre là, je vais aller vérifier. Non, mais je vérifie immédiatement. Bon, bah, bouge pas, Léonie, on va parler des jobs d'été dans un instant. Si vous aussi, d'ailleurs, vous avez fait un job d'été cet été là, qui était sympa ou pas, au contraire, pas du tout sympa, vous avez morflé, vous avez kiffé, qu'est-ce que vous avez fait comme job d'été cet été ou un autre été, hein, peu importe. Venez nous en parler également, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique, je compte sur vous. Tu restes avec nous, Léonie? Ouais, sans parfait. Problème. Et on va se mettre, comme promis dans un instant, le son de Carolina Marquez sur Fun Radio. Ce sera Sing La La La. Eh ben, venez prendre le contrôle de Fun également, hein, je vous invite. Venez sur le Twitter par exemple, vous me faites un follow, je vous follow back derrière. Pareil sur Instagram, vous tapez Mickaël officiel sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Va te faire enculer, fils de pute. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. C'est tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ah oui, c'était... c'était hier, ça. Quand Off s'est fait traiter de tous les noms, il était énorme, le jingle. On le remettra. Sa grand-mère. Hein. On le remettra, ah, ouais. Bon, allez, bienvenue sur Fun Radio. Là, on est ensemble jusqu'à 2h du matin. C'est ici que ça se passe. Ça se passe que sur Fun Radio. À partir de 23h, évidemment. On est en direct sur Fun. Venez prendre le contrôle. Hein, 01 42 48 5000. Ça marche également, bien sûr, sur le Facebook et le Twitter. Vous venez, si vous voulez choper, bah, par exemple, votre PS3, là, que je vous offre ce soir avec FIFA 13. Venez, faites un like sur ma tête. Il y a ma tête avec moi, j'ai un iPhone avec marqué FIFA 13 dessus, puisque maintenant je joue en ligne avec vous, donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Quel beau gosse. Bah, Facebook, pour l'instant j'ai fait un match, j'ai gagné, donc c'est tranquille. Facebook.com/MIKAELOfficiel, venez voir ce qui se passe sur le Facebook pour choper votre PS3 et puis surtout aussi pour discuter tous ensemble, hein. On est tous connectés là, on vous attend avec impatience. Si vous n'êtes pas encore fan de la page, vous êtes les bienvenus. Facebook.com/MIKAELOfficiel, et puis on va se faire évidemment péter le son de Carolina Marquez maintenant sur Fun Radio avec Sing La La La. On récupérera Léo dans un instant, et on aura aussi la colle du soir. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h. C'est Fun Radio, la bienvenue tout le monde. Carolina Marquez à l'attente, c'était Sing La La La. 23h, 2h. Connard, essaie de rappeler, je te bute. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Ouais, c'était hier ça, c'était hier aussi ça, en direct avec Toff. C'est encore fait insulter là, comme d'habitude, le malheureux. Hein. Toujours dans la tronche, quoi. Moi qui suis gentil. Bah, j'irai pas jusqu'à dire gentil, mais effectivement, t'en prends toujours pour ton grade, hein, d'ailleurs. C'était hier soir aussi ça. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Bon, là pour le coup, elle avait raison, grand-mère. Hein. Non, c'est vrai. Elle avait raison. Et quand bon. Elle t'a cerné en quelques secondes, ouais, c'est incroyable, ouais. Ça. Et bonne nouvelle, d'ailleurs, je salue également tous ceux qui viennent de débarquer là, sur FIFA 13. Hey, je peux pas jouer avec vous maintenant, je suis à l'antenne, mais promis, je fais ça tout à l'heure. Il y a Mickaël Mika 364 qui vient de m'ajouter sur FIFA là, sur l'iPhone. Si vous avez le jeu, vous pouvez m'ajouter. Oh, c'est bon. Moi c'est Mickaël No Limit sans le hashtag. Il y a Keke BG du 13 aussi, là on va jouer ensemble tout à l'heure ou demain, hein. On n'est pas dans le détail non plus, mais voilà, je vais vous rajouter, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on jouera, je vais vous montrer qui est le patron ici. Ok, j'ai déjà joué tout à l'heure contre la nana là, hein. L'ananas, là, sur Twitter, là. Je l'ai mis un 0, on a joué 2 minutes, mais je l'ai mis un 0 quand même. Tu l'as coupé en tranches, là. Ouais, et pourtant, monsieur, il prend le Barça, tu vois, c'est style, il se la ramène. Gros malin. Eh bah, t'as vu un peu. Antoine, salut à toi, le lance-flamme marche toujours, car j'ai froid, là. Gla, t'inquiète, il marche bien. T'inquiète. Il est là, le lance-flamme. Anthony qui dit un coup de pipeau. Bah, ouais, on l'a fait. Attends, on va aller, parce que Polo, là, il faut qu'il prenne un petit café pour se remettre. Il y a Hugo qui dit, ça va être cool comme tous les soirs. Vive l'émission. Bah, merci à toi, en tout cas. Bah, c'est cool, surtout grâce à vous, hein. C'est vous qui faites aussi, une grosse partie du travail, quand même. Il y a Fifou aussi, Fifou le fou, sur le Facebook qui dit cool. Enfin, 23h, dérangez-moi pas. De toute façon, je réponds pas au con. Il répond pas au con. Il a bien raison, d'ailleurs. De toute façon, moi, je réponds pas au con. Hein. Voilà. Un petit lance-flamme en criant, Fifou, tu gères jusqu'à 2h. Allez, t'inquiète. Allez, tiens, prends ça dans ta gueule, Fifou. Voilà, et Nalia aussi qui dit j'ai attendu toute la journée pour vous écouter. Bah, ça fait plaisir. Nous aussi, on a attendu toute la journée pour débarquer. On est content d'être là. Dorothée qui dit salut, je vous fais un petit coucou depuis la Réunion là pour vous. Trop chouette l'émission, ouais, Dorothée. Ouais. Tu vois, pour dire ça, c'est pas la peine, tu vois. Ouais. On s'en fout que t'es à la Réunion. Tu peux pas dire je vous écoute depuis Dunkerque. Tu peux être dans une réunion. Ouais, allez, dans une réunion, pas de problème. Mais à la réunion, par contre, ça nous fait chier, tu vois. Alexis qui dit, je vous ai découvert par hasard et trop énorme. Sinon, s'il vous plaît, passez une dédiée à la meuf Loan, please. Bah voilà, écoute, c'est fait. Bah, toi, le bienvenu, Alexis. Hein. N'oublie pas de prévenir tes potes que tous les soirs, dorénavant, ça se passe sur Fun Radio à partir de 23h et uniquement sur Fun. Petit panda qui dit, moi, en cours, j'ai avalé du papier que la prof voulait prendre. Ah oui, c'est par rapport à la brésilienne. On en parle dans un instant. Kevin qui dit, vous me faites grave délirer, continuez comme ça. Jason qui dit, salut Mickaël, je trouve que vous faites une super émission. l'émission. Ça fait trois jours que je vous écoute et je suis déjà accro. Continuez comme ça. Ben, merci Jason. Et pareil pour toi. N'oublie pas de prévenir tes potes. 23h-2h, on est sur Fun Radio en direct du lundi au jeudi et tous les dimanches évidemment à partir de 20h. Alors bonne nouvelle également, puisqu'on se demandait, tout le monde me demandait si j'avais trouvé mon bazooka. Alors je l'ai commandé et ça y est, on me l'a livré. Ah. Je suis enfin livré de mon bazooka. Ça a été compliqué parce qu'en fait il y a eu un problème avec la poste. C'est-à-dire qu'en fait comme c'était un colis un peu imposant, donc du coup ça a été compliqué pour qu'il le livre à la radio quoi. Mais finalement je l'ai. Est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter le bazooka? Hein? Et on peut tirer dans la gueule de Toff, il est en face de moi. Bah, bien sûr qu'on peut, on peut tirer dans la gueule de Toff. Bah, y a d'ailleurs qui dit aussi bazooka dans la gueule de Toff. Bah d'accord. Attends, il faut que je vise alors. Hein. Vas-y. Attends. Voilà. Là. Attention. Allô. Vous êtes prêts? Ouais. Attends, j'ai peur. Oh là là, c'est gros. Ça va faire mal, hein? Oui, mais je me doute. Bon, attention. Allez. Merde. Oh putain. Oh là là. Attends, il faut que je le redémarre. Ah ouais, nouveau matériel. Ah bah ouais. C'est nouveau matériel. Attends une seconde. Voilà. Avec les piles. Ouais, mais je sais. Ouais, attends, voilà. Ça y est. Ah il est pas mal. Ah il est pas mal, il est pas mal. Attends, je vais terminer. Non, tu te sens comment? Ah bah là il se sent mieux là. Je me sens troué. Voilà, c'est ça. Troué et puis un petit peu coiffé comme ça maintenant. Hein. Ah oui là c'est. Voilà, là, c'est attends. Un autre style, hein. T'en la joues encore un coup pour voir là? Oh. Voilà, là il va très très bien, là il est au taquet. Bon ben voilà, merci Yaya, c'est une bonne idée. C'est parti pour nos limites, 3 heures de conneries. Un coup de lance-flamme et de pipeau, ça va être bon ça Nicolas. Merci Nicolas sur Twitter. Et Skilange aussi qui dit: salut la famille, ça fait plaisir de vous entendre. Un petit bonjour à mon club de tir, là merci ouais, à vous famille. Eh ben voilà le club de tir, le club de tir. Eh ben alors. Ah il est là mon bazooka, il est au taquet, hein, il est en pleine forme, vous inquiétez pas là, on l'aura toute la soirée à mon avis. En plus c'est un nouveau jouet, vous savez bien comment ça se passe avec les nouveaux jouets. Hein. C'est vrai que votre émission est top, vos canulars sont géniaux, c'est Pablo, DJ Kylian, est-ce que t'as reçu t'appel? Oui putain, je l'ai reçu aussi mais je l'ai oublié dans le bureau là, je vais la prendre tout à l'heure Kylian là. J'ai kiffé le gars. J'ai eu la livraison. Attends mais c'était une bonne journée, j'ai eu la livraison de tout, j'ai eu mon bazooka, j'ai eu ma pelle. Non mais c'est la folie totale. C'est dingue tout ce qu'on trouve sur internet de nos jours. Putain, non mais ça a été super journée, je suis arrivé à la radio, on m'a dit les services généraux qui sont arrivés, bon là. Bazooka qui est arrivé pour toi, Mickaël, viens le chercher. Bon, j'ai dit ok, d'accord, mais je vais le chercher. Et je suis content, il est arrivé et tout, nickel. Hein. J'avais payé avec PayPal au cas où, c'est comme ça, on pouvait faire un retour. Et j'en ai même pas eu besoin, il marche nickel. Attends, je vais rester sur Toff. Il marche bien, hein? Non, je suis assez content de l'achat. Benjamin qui dit: ah, le doux son du bazooka dans la tranche de Toff. Je vous ai découvert avec mon fils de 10 ans il y a 2 jours et on kiffe grave, ne changez rien. Oh, enfin beau, une radio fun, c'est Estelle et Kevin. Eh ben merci Estelle et Kevin. Enfin, gros bisous à vous deux en tout cas. Et attention, on fait quand même coucher ton fils un peu plus tôt parce que 10 ans c'est peut-être un petit peu pour lui. Enfin après moi c'est toi la mère, hein, tu fais comme tu veux. Laurie qui dit: comment je kiffe le bazooka. Et puis Jer qui dit: vous me faites trop rigoler. Les gars, je vous adore et j'adore l'émission. Bah c'est gentil en tout cas. Bon, plein de messages qui arrivent. Twitter, vous tapez Mickaël officiel. Vous me faites un follow et je vous follow back. Et puis pareil sur Instagram d'ailleurs. Et puis vous venez nous rejoindre aussi sur le Facebook. De plus en plus nombreux, merci à vous. Il y a plein de photos que j'ai postées aujourd'hui, notamment si vous voulez aller voir facebook.com/mickaëlofficiel. Retour avec Léonie et son job d'été là. T'es là Léonie? Ouais. Bon parfait. Alors job d'été, toi tu nous avais dit que tu avais fait un job d'été un peu bizarre parce que c'était cool et en même temps pas cool, c'est bien ça? Oui. Bon alors vas-y, explique-nous. En même temps stressant. Ouais c'est bon, ça, en fait, c'était cool et stressant en même temps, ouais. Je fais de la surveillance dans les musées de Strasbourg. De la surveillance dans les musées, c'est vachement sympa ça. Enfin, il y a un truc, tu vois. Ça, en fait, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les agents de sécu. C'est-à-dire que l'agent de sécu, c'est sympa, mais c'est clair qu'il y a un moment quand t'es agent de sécu, je pense, hein, vous me dites si vous êtes agent de sécu, c'est qu'il y a un moment, t'espères qu'il y a un mec qui va venir foutre le bordel histoire d'avoir quelque chose à faire. Parce que sinon, c'est vrai que t'es là, bon, t'es toujours sur le qui-vive, en tout cas, tu dois l'être, mais bon. C'est bien quand il se passe rien, mais bon, à terme, tu te fais chier, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que tu surveillais quoi dans le musée? Les statues. Oh, ferme ta gueule! Hey, arrête de me regarder mal comme ça, là, où je te décroche. Arrête où je te décroche. C'est ça. Allez, sors de la salle, casse-toi. La meuf, elle devient folle, au bout d'un moment, elle dit: arrête de me regarder comme ça. Et pourquoi c'était stressant, je comprends pas? Ben, parce qu'il y a des gens, ils te posent des questions vraiment complètement stupides, ou ils font des trucs complètement déplacés. Du genre. Ouais, genre, vas-y, explique. Genre, stressant, j'étais au musée d'art moderne, et puis il y avait des ampoules par terre, et une dame, elle a mis le pied dessus, elle m'a fait, si je marche dessus, ça fait quoi? Ben, ça fait rien, espèce de dinde. Tu veux que ça fasse? J'ai dit, à moi, ça peut rien me faire, à vous, ça, vous avez payé peut-être toute votre vie pour un truc... complètement débile et qui ressemble à rien, mais à moi ça va vraiment me faire. Ouais, et puis après la meuf elle a été se plaindre au mec du musée, mais regardez comment elle m'a parlé. C'est scandaleux. Je lui pose une question et limite elle se fout de ma gueule. Elle me parle trop mal. Exactement. Bon, et du coup, alors, quoi et l'autre? Parce que bon, ça, c'était pas le côté stressant, ça, si? Si, un peu, parce que après, il faut toujours regarder les gens, ils marchent à 5 mm, alors ça, c'est des mini-crises cardiaques. J'ai pas compris ça. Comment ça, ils marchent à 5 mm? Ben, si tu veux, c'est posé vraiment par terre, les ampoules, alors faut que les gens, ils marchent pas dessus. Et comme les gens, ils ont la tête en l'air. Ah, parce que l'ampoule est vraiment par terre? C'est une œuvre d'art, en fait. Ah, c'est une œuvre. Mais pourquoi vous l'avez pas entouré d'un, tu sais, genre, un truc pour pas qu'on marche dessus? C'est en Strasbourg, hein. Ben voilà, c'est Strasbourg. C'est Strasbourg. D'accord, bon, mais à ce moment-là, d'accord. Bon, écoute, pourquoi pas, hein. T'as déjà fait quoi comme job d'été, toi, Taf? Le pire du. Enfin, le pire. Oh du putain, pire. Il va nous raconter son carrefour ou son d'arty, je me souviens plus. Non, c'est le Roi Merlin. Ah, le Roi Merlin, ouais, c'est ça. Ah, mais j'étais, magasinier à le Roi Merlin, attention. Ouais. Donc en fait, il fallait que je range la réserve, donc tu c'est le seul mec pour qui ça a pas fonctionné, le Roi Merlin, pour réussir, tu vois. Il a foiré directement, là. Direct, il s'est fait têche. Non, mais en vrai, en plus, tu sais, en fait, tu dois sortir les palettes des camions, et donc le mec, il me dit, ouais. Avec la musculature de Toff, évidemment, il n'arrivait pas à sortir les cartons. Hé, Roger, tu viens m'aider, s'il te plaît, là, dis donc. Il y a l'autre con de Toff, il est encore sous les il est écrasé. Il est sous les cartons, il est tombé. Con, là. Ouais, c'est ça. Il rigole pas, c'est vrai. Ah oui. Contrairement à t'étonner, tu vois. En fait, c'est les petites voitures pour monter les palettes dans les rayons, quoi. Ouais. Et enfin dans les étagères. Et donc le mec il me dit ouais, t'as le permis. Et donc moi j'avais le tu sais la licence, quoi. Tu peux rouler tout seul, mais t'as pas vraiment le permis. Je lui dis ouais, j'ai le permis, t'inquiète et tout. Et me dit ah, bah tu vas chercher le transpalette et tu me le ramènes. D'accord. Donc, moi je le ramène et en fait je l'ai explosé dans une allée, quoi. Évidemment, ça tu peux pas faire un truc correctement, ça c'est clair. Et donc du coup je fais tomber 3 palettes. Sans déconner. Bon, il y a Ophélie qui dit aussi, perso moi c'est caissière à Carrefour Market pour le moment, je le vis bien. Bah ouais, ça dépend dans quel endroit tu te trouves, mais effectivement. Jonathan qui dit aussi, Mickaël, elle a fait comment pour travailler dans le musée là? Tu peux lui demander s'il te plaît, je cherche un boulot dans un musée. Qu'est-ce que tu vas faire, Jonathan, dans un musée, mec, t'es ouf ou quoi? Comment t'as fait pour trouver le taf dans le musée, dis-moi? Ben c'est parce que je fais des études en art, donc. Ah bah oui, donc c'est un stage, quoi. Voilà. D'accord, ok. Il y a Gwenelle aussi qui dit trop bonne soirée sur Fun, votre émission est toujours aussi top, merci à vous. Et Flo qui dit j'ai refusé d'aller en soirée avec des potes pour vous écouter, c'est classe bon. Ça ou pas là? Ça a bien raison. Polo, ça. Je suis aussi là pour le pipeau. Eh bah Flo, et pour bah, ça on va te faire un petit coup de pipeau là. Vas-y. Allez hop, 3, 4. Je rappelle que Popo joue. Popo. Polo joue du pipeau en live. Attention, 3, 4. Quel talent! Merci. Ah ouais, merci. Oh là là, merci. Quel talent! Ah oui, c'est magnifique. T'as vu, il a quand même un talent assez extraordinaire, Léonie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est super, moi j'adore. Mais c'est la grande classe, je sais, ouais. Bon, attends, il y a aussi Laurine qui est avec nous, qui va nous parler, là, 28 ans de Macron, là. Salut Laurine! Salut! Comment vas-tu, ma belle? Bien, et vous? Enfin, je te dis ma belle, je m'emballe peut-être un peu, ça se trouve, t'es un cajou. Je sais pas, je vérifie. Non, mais c'est ça. Tu vois, je me suis peut-être un peu emballé en même temps, c'est vrai que c'est après l'avoir dit, je me suis dit merde. Alors, combien mesures-tu? Allô? Allô? Moi, oui, allô. Laurine, combien mesures-tu? C'est pour un job d'été, en non, fait. Non, oui, mais on va en parler après. Combien d'abord, il y a les questions de sélection. Combien mesures-tu, Laurine? 1m76. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Oh là là là là, c'est bon ça. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Laurine, je n'écoute que toi. C'est ça. Eh ben, on va écouter que toi, mais dans quelques instants, Laurine, si tu le permets. Ouais, bien sûr. Bon, bah très bien, on fait ça dans un instant, ne bouge pas de là. Et puis on va revenir aussi avec plein de messages aussi qui sont arrivés. Il y a Basile qui dit ce soir, Mickaël, on va encore bien rire, vous êtes les meilleurs. Unreachable qui dit popo, jus du pipeau en live, oui, c'est ça. Et Mathieu qui dit j'ai un copain cet été en job d'été, il ramassait des escargots. Oh putain, le job d'été pourri là. Bon, bah, on en parle dans un instant. Et j'ai même un mec qui s'appelle Le Blair aussi, qui est à Montpellier et qui nous écoute et qui est un bon Blair. Bah très bien, bah écoute, quel drôle de pseudo. C'est tout ce que j'ai à dire, mais en tout cas salut Le Blair. C'est bien d'écouter Le Blair. Il y a Denis aussi qui dit un petit coucou à tous. Tu l'as acheté où ton bazooka là, car il est où ton explosion? Bah comment ça, je l'ai acheté où? Je l'ai acheté sur internet. Il est au top mon bazooka, t'es sérieux là? L'endroit où t'as acheté ton Becherel. Ouais. Attends, je vais le rester sur la tête de Toff. Ah là, franchement, ah il est au taquet, t'es sérieux? Mais non, mais parce que comme Toff est loin, on n'entend pas l'explosion. On n'entend pas la finalité. Voilà. Bon, ben je vais mettre vite Tapo et Raya là. Je vais aller dans le bureau là chercher ma pelle. On m'a livré aujourd'hui ma pelle que j'ai commandée chez Brico là. Rappelons, c'est pour le mettre dans la gueule à Toff. Hein. Oui. Non, bah je vais d'abord voir un peu pour creuser évidemment. D'accord. Hein. Bon, allez, on fait ça dans un instant sur Fun. Mickaël No Limit, prenez le contrôle. On est là jusqu'à 2h sur Fun. No Limit, Mickaël. Tu veux me prendre dans ta gueule ou on attend? Mickaël No Limit. No Limit sur Fun Radio. Bon, on va attendre un petit peu quand même là. On n'est pas pressé non plus avec le poids dans la gueule. Hein. Bon, et bonne nouvelle, ça y est, j'ai été chercher ma pelle dans le bureau là. Je peux même faire un trou maintenant là. Ah, attendez là. Voilà. Allez, petit trou dans le studio. Je vais faire le, je vais refaire le sol moi de, dans le studio on là. Va, on va pas pouvoir planter un arbre. Ouais, on va mettre un arbre. Exactement, on va mettre un olivier. Oh, ça va être génial. Oh, on va mettre un olivier, ça va être au top. Non mais c'est vrai, il va être au top, il va être au top. Hey, d'ailleurs justement là, on m'a dit qu'il n'y avait pas l'explosion au bazooka. Effectivement, il y avait un réglage à faire. Ouais. Donc là c'est bon là. Alors, attendez. Qu'il avait pas activé les têtes. Mais ouais, c'est ça, je tire sur la gueule de Toff encore une fois là, avant de faire la colle dans un instant là. Attends, allez, oh là là, attends, et oh, heureusement, je l'ai raté là. Ouais. On recommence là, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Vas-y, règle-toi un peu là, attends. Voilà. Ah bah oui, là, il marche mieux. Là on est pas mal là. Ah, bah oui, là, ah c'était un réglage à la con là mais ça y est là il est fait le réglage, on est pas mal. Oui. Ah bah là bon. je le sens plus. Bah je vais tout doucement commencer à creuser là pour enterrer Toff. Oui bah je suis peur. Voilà, avec ce qu'il va prendre encore là. Hop. Voilà. Bon, il y a The Gamer Flogs aussi qui dit le lance-flamme, il a l'air de niquer sa race à sa grand-mère là, je le veux dans mon cul. Tu l'as acheté sur eBay ou Discount ou Le Bon Coin? Ah, je l'ai acheté sur eBay évidemment. Reachable qui dit un Olivier dans le studio mort de rire. Oh mais ça va être génial. Nesby Flux aussi qui dit coucou le Blair. Très bien. Le Blair, je suppose te salue. Anaïs aussi qui dit on peut avoir une photo de on peut avoir une teuf de Laurine. Ah ben on va essayer de gérer ça. Et DJ Lonac qui dit énorme cette émission. Merci Lonac. Lucas aussi qui dit vous êtes les patrons avec le bazooka et tout, la mort de rire. Et Flo qui dit merci Polo, c'est que du kiff ce soir, bah, avec plaisir. Abby aussi qui dit ah bah là c'est mieux là, sérieux. Bah ouais, mais bah, oh, je vais le recevoir le bazooka là, il faudrait régler une seconde. Bon, retour avec Laurine, avec Léonie, vous êtes là les filles? On est là. Vous pensez quoi de mon bazooka? Il est à la classe non? Ah bah super, je fais du tir. Ça va pas assez fort, moi je dirais, non? Ça va pas assez fort? Bon bah ouais. Attends, je vais te le remettre dans la tronche là pour voir. Ça va. Attends, Laurine! Je te le mets dans la gueule là, regarde. Je sais pas, rien sentir. Non, attends, je vais te mettre le lance-flamme dans la tronche. Et là, ça va mieux là? Ouais, toujours pas. Hein. Ah bah tends la joue. Voilà. Là normalement tu l'as senti, ou alors c'est parce que tu t'es acheté une paire de couilles et que tu fais la maline. Je pense que c'est ça. Elle se la raconte. Ouais, elle se la raconte. Bon Laurine, alors t'appelles de Macon toi et donc tu voulais réagir au job d'été par rapport à Léonie? Ouais c'est ça. Bon, en fait, et on fera la colle juste après, promis. Vas-y. Moi c'est un job d'été qui est devenu permanent en fait. Ah. Un job d'été qui est devenu permanent, alors c'est-à-dire? Ouais. Ben en fait si tu veux j'ai reçu donc une offre d'emploi, j'ai postulé sur l'offre d'emploi, c'était noté comme quoi on devait livrer des légumes. Oui. Donc moi je me suis dit bon bah écoute. Bah je vais livrer des légumes quoi, si on me demande de livrer des légumes, je le fais. Un petit boulot. Non mais comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Non non, clairement. Un sous-métier, pas des sous. Il n'y a pas de sous-métier, ouais. Non vas-y. Ben, donc je me lance, je vais postuler. La personne me dit, vous avez le permis, donc moi je pense au permis de voiture, donc je lui dis, ouais, il n'y a pas de souci, j'ai mon permis. Et je me retrouve avec un 35 tonnes là, et donc forcément ça a été un peu la merde. Ben véridique, je me suis retrouvée avec une semi-remorque à conduire. Oh, c'est bon ça. Et du coup, ben, j'avais pas vraiment le permis quoi. Donc, mais alors ça, mais t'as été dans une merde noire là. Je lui ai expliqué que j'avais pas les permis, et elle m'a dit, mais comment ça, tu m'avais dit que t'avais le permis. Donc j'ai essayé comme ça une journée et au final vu qu'il a vu que j'arrivais à conduire la semi sans permis, bah, il m'a fait passer mes permis et. Ah d'accord, je crois qu'il t'avait laissé le taf en disant bah t'as pas le permis, bah. Oh t'arrives à rouler là, bah c'est bon hein. Non, pas à ce point-là, ça aurait été grave quand même. Et donc t'es camionneuse aujourd'hui là? Et du coup maintenant je suis chauffeur routier, ouais. Oh putain, ça peut exciter encore un peu plus Toff ça. Ah oh, oui. Oh là là, quand est-ce que tu m'emmènes dans ton camion? Attends, je pense que jamais en fait elle vient de dire, non. Non, je suis sûr qu'elle peut pas me faire un petit tour à Macon. Ah c'est pour ça en fait que Laurine là, ça lui fait rien les lance flammes et tout là, quand tu sais, quand t'es chauffeur routier là. Ben t'es, voilà, t'es... Moi je conduis 40 tonnes donc du coup je suis oh là là. Bazooka de tapette, ça lui fait rien. 40 tonnes. Oh putain la violence. Ah bah oui c'est ça. Oh, c'est bon, et t'as pas de problème avec les autres camionneurs, c'est genre quand ils te descendent, quand ils te voient descendre du camion et tout ça, ils... Bah justement en fait c'est ça qui est... moi je trouve, des fois c'est lourd, mais autant des fois c'est pas marrant quoi. Parce que des fois j'arrive dans des entreprises où il faut charger la semi et des fois j'ai au moins 3-4 chargeurs qui viennent pour me charger quoi. Ah ouais, ils chargent, ok. T'inquiète, on a compris ce que ça voulait dire, ils viennent te charger. Bah je me doute. Te casse pas, va. Et après elle les décharge derrière. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Non, ça c'est eux, ils s'occupent de ça, je pense. Ah mais tu vois, c'est quand même plus rock'n'roll Léonie que de garder le musée, hein. Ah ouais, mais moi je ferais pas ça toute ma vie, gardez. Non, bah j'imagine bien, j'imagine bien. Bon, en tout cas, merci les filles d'être passées. Mais de rien. Et vous avez déjà fait quelque chose là, vous, justement, pour éviter de devoir balancer un mytho? Genre, par exemple, oui, la brésilienne là, tu sais, qui a avalé son téléphone pour éviter de montrer un SMS à son mec qui lui avait demandé le téléphone. Non, mais je suis plutôt du genre à dire les choses cash en fait. Oui, on avait bien remarqué, Laurine. Et toi, Léonie? Non, je crois pas. D'accord. Jamais. Non, non, mais pourquoi pas. Et, l'histoire, et l'histoire de Toff, alors, parce qu'on va en parler dans un instant. Moi, je sais pas, j'en ai plein, mais... Bon, allez, une au hasard, comme ça, la première qui vient. Une au hasard, bah, en fait, c'est... J'avais des messages d'une meuf, genre, tu vois, qui m'envoyait des messages parce qu'elle me chauffait, donc je lui répondais forcément, donc c'était et j'étais avec une autre meuf à ce moment-là. Bien sûr. Et donc au lieu de dire... T'es en train de coucher avec l'autre meuf, hein. Non, quand même pas à ce point-là, mais bon, elle était là, quoi. C'est ça, je suis un enculé, mais pas trop. Ah non, voilà. Précisons les choses correctement. Et donc, en fait, comme elle portait le même prénom que la meuf d'un de mes potes, je lui dis non, mais c'est la meuf d'un pote et tout, elle m'envoie des trucs pour rigoler, mais t'inquiète. Ah ouais. Et donc du coup, parce que c'est la finalité qui nous intéresse, nous, surtout, hein. Eh bah donc du coup rien, c'est passé comme ça. Oh, t'as même pas pris un coup dans la gueule. Bah non, parce que du coup elle m'a cru quand je lui ai dit que c'était la meuf d'un pote. Oh putain. Et quand elle a, il y a une petite fuite, mais bon, c'est pas très grave. En fait, elle a vu la meuf vraiment. Elle dit ouais, faut te calmer avec les messages et tout. Et l'autre, elle comprenait pas. Sans déconner. Sans déconner qu'elle comprenait pas. Et donc. Du coup, j'ai réussi à esquiver en plçant un autre truc, en rigolant, et du coup, c'est passé, elle en a jamais reparlé. Mais attends, donc, sur toute ta vie, Toff, il n'y a jamais eu deux nanas qui se sont embrouillées, retrouvées au milieu d'une situation. Si, t'inquiète pas, on en parlera. J'ai une histoire où il y a une meuf qui a appelé toutes les autres. Ouais, mais ça, c'est bon, ça. Bon, t'as vu, Laurine, si jamais tu veux un connard, il est là. Hein. Ouais, j'ai déjà remarqué, ouais. Ouais, bon, si tu veux, je te le fais à bon prix, va, t'inquiète pas de problème. En plus, tu peux prendre la livraison, donc ça, c'est cool. Un bazooka et deux pelles, tu peux m'avouer. Tu peux passer un petit message, non? Eh bah, quel message? Une dédicace? Non, en fait, c'était juste pour vous dire que vous êtes tip top. Moi qui roule souvent la nuit, c'est très agréable d'avoir une compagnie. Et c'est vrai que vous êtes tip top au niveau de la radio. On rigole bien. Voilà. C'est gentil, Laurine. Je voulais vous féliciter quand même. C'est gentil, Laurine. On attend juste que le boss fasse pareil. Hein, ça n'arrive pas. Bon, merci Laurine. Je te fais des bisous. Également, pareil. Et à bientôt. Et Léonie, pareil. Hein, je te fais des gros bisous et tu reviens sur Fun quand tu veux. Merci. Oui, juste peux faire une petite dédicace. Oui, alors à une seule personne, hein, choisis la bonne. Hein. Bah, je vous la fais à vous. Oh, c'est trop mignon. Je vous écoute tous les soirs depuis Énergie et franchement, c'est gentil, Léonie. Je te fais des gros bisous. Tu me repasses Sandra, alors? Oui, je te repasse Sandra au standard, t'inquiète, Léonie. Je te fais des bisous, à bientôt. Bisous. Salut, Léonie, ciao à toi. Et puis, dans un instant, on aura aussi le jeu du je t'emmerde, hein, si vous voulez jouer, allez-y. Et puis, on va accueillir Gaylord avec nous, là, maintenant, là. Hello. Bonsoir. C'est quoi cette voix, là, Gaylord? Ouais. C'est ma voix normale, hein. Ouais, tu fais le malin, ou tu veux que... Hein. Je peux aussi faire une voix comme ça, si tu veux. Non, mais c'est sérieux, ça? Bon. Bah ouais, c'est la voix. Gaylord, alors on va jouer maintenant pour la colle du soir. Hey, c'est bizarre comme prénom, c'est ça la colle? Gaylord. Gaylord. Bon, allez, fais péter la colle de ce soir. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds. Si personne la trouve, ou en tout cas si la personne qu'on appelle ne décroche pas, tu gagnes. D'accord? Gaylord, okay. Vas-y, fais péter la colle de ce soir, on t'écoute. Je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin. Qui suis-je? Je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin. Qui suis-je, c'est ça? Ouais. Encore est une colle en bois, ça. Bon, je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin. Qui suis-je? Bon, très bien. Si vous avez la bonne réponse, il y a les cadeaux à la clé, évidemment. Vous envoyez simplement votre réponse maintenant. Débutez le message par M-I-K-L et puis vous mettez la réponse au 64-900. Et pour la Belgique, au 63-22. N'oubliez pas de mettre aussi votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Donc, je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin. Qui suis-je? C'est bien ça? C'est bien ça. Bon, voilà, la bonne réponse. Débutez le message par M-I-K-L. Vous mettez un espace et puis la réponse. Et puis votre numéro de téléphone. Vous envoyez le tout au 64-900 et au 63-22 pour la Belgique. On te reprend tout à l'heure, Gaylord? Il n'y a pas de problème. Allez, à tout de suite. Et puis on va s'écouter aussi du son, évidemment, sur Fun Radio dans un instant, avec le son de LOL DJs. Portilla des bobos, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Venez également nous suivre sur le Facebook. Je rappelle qu'il y a une PS3 qui est à gagner. La PS3 avec FIFA 13. Voilà, vous venez tout simplement faire un petit like là. Et puis si vous êtes tiré au sort avant la fin d'émission, à vous la PS3. Facebook.com/MIKL officiel. Bonne soirée, prenez le contrôle. On est là jusqu'à 2h du mat. Un truc à dire. MIKL, appelez MIKL. No limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mickaël. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Merde, si j'appuie pas sur le micro là pour démarrer, là on est pas dans la merde. On est en direct sur Fun, 01 42 48 5000, venez prendre le contrôle où vous soyez en France, on est là jusqu'à 2h du mat. Venez prendre le contrôle, donc ici, bah vous êtes chez vous ici, on va parler dans un instant encore des vacances, on va faire le jeu aussi du je t'emmerde. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas, hein, vous appelez maintenant le standard 01 42 48 5000. Le principe est simple, on appelle quelqu'un au hasard, et si vous arrivez à gérer correctement, à placer un maximum de je t'emmerde par rapport à votre concurrent, eh bien c'est gagné. Pour vous, voilà, vous connaissez le principe du jeu, à vous de jouer sur Fun Radio maintenant. Et puis on va lire aussi tous vos messages qui arrivent en masse hein, sur Twitter et Instagram. Si vous voulez nous rejoindre là aussi, vous tapez Mickaël officiel. Si vous me faites un follow, eh bien je vous fais un follow back derrière, comme promis depuis la semaine dernière. Je l'ai fait à tout le monde, hein, donc pas de problème. Vous tapez Mickaël officiel sur Twitter et sur Instagram et je vous follow back juste derrière, promis, pas de problème. 23h46, on est en direct sur Fun Radio et puis on va s'écouter le son de LOL DJs maintenant, c'est Portia des Bobos. Sur Fun Radio, bonne nuit. Allez, bonne nuit avec Fun Radio. C'était LOL DJs. Il y aura aussi Lady Gaga dans un instant. Je vous cale aussi le son de Krawella. Ça va arriver aussi sur Fun Radio là, tout à l'heure avant 1h du mat. Et puis plein de messages qui arrivent à Ophélie qui dit que du bonheur ce soir de vous écouter, ça fait plaisir. Mickaël, bah merci à toi Ophélie. Steven aussi sur le Facebook, je vous écoute pour la seconde fois, j'adore vos délires, vous êtes géniaux, bah sois le bienvenu Steven. Il y a quoi aussi, Cassandra qui dit Mickaël tu gères, on joue au jeu, je t'emmerde, je t'adore. Comme j'adore la radio, c'est agréable de t'écouter, merci à toi aussi. Et Mathis aussi qui dit j'emmerde ton lance-flamme et ton bazooka mort de rire. Ah ouais d'accord, ok, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Tiens. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici là ? Il y a Picasso qui dit je viens d'arriver, un coucou. Eh ben écoute, bienvenue à toi Picasso. Et c'est sur le Twitter ça, et puis sur l'Insta, sur le Facebook. Alex qui dit trop bien Fun, je vous écoute tous les jours. Pour moi la nuit vient à peine de commencer grâce à vous. Bah pour nous aussi, hein, je t'avoue. Hein. Et Steve aussi, il faudrait lui donner des coups de poil à Toff là, j'adore l'émission. Ah ouais, alors je commande des poils maintenant, merde. Et Théo qui dit quelle soirée de ouf comme depuis le début d'ailleurs, Mickaël. Merci Théo. Allez, venez nous rejoindre là, venez nombreux sur le Facebook. Je vous rappelle qu'il y a une PS3 à gagner, facebook.com/mikaelofficiel. Et alors je vous ai mis aussi un nouveau truc, c'est une tuerie en fait, c'est pas une coque. Donc là j'ai mis un iPhone, mais je veux dire ça marche aussi pour les Samsung Galaxy, pour les Blackberry, mais là en l'occurrence un iPhone. Je vous ai mis une espèce de protection qui colle comme ça sur le téléphone, un peu, je vais pas dire en mousse, mais comment on appelle ça, caoutchouteux, en caoutchouc quoi, c'est ça, aux couleurs de Fun. Alors on va en faire aussi aux couleurs de l'émission, donc bah allez la voir, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes si vous aimez ce genre de cadeau, voilà, si ça vous intéresse qu'on vous en fasse. Il y a quand même plus de 2000 personnes qui kiffent apparemment, donc tant mieux. Donc venez nous rejoindre donc sur le Facebook et donnez votre avis sur cette nouvelle pseudo coque en caoutchouc qui est pas vraiment une coque mais plus une protection, et c'est pratique quoi. On pourrait en faire une géante pour la mettre sur la gueule à toi. Là ben c'est une bonne idée, tiens. Justement, je vais en parler au mec qui gère ça, qui s'appelle Christophe aussi d'ailleurs. Ah bah mais voilà, il a la classe. Ah bah ça va, alors il a il a notre classe. Bon voilà, facebook.com/mickaelofficiel, venez nous rejoindre, passez le message à vos amis également pour qu'ils viennent également nous rejoindre. Et un message de Clément sur le Facebook puisqu'on y est. Vous êtes une équipe formidable, je vous adore, je vous écoute tous les soirs et j'aimerais bien que tu mettes un petit coup de bazooka. Bah si tu veux, je viens de le mettre, mais on peut le faire hein, si tu veux. Allez hop là, bazooka c'est pour ta tronche, tiens hop là. Voilà, ça c'est fait. Ouh, Toff il est un peu jaloux de pas avoir reçu un truc dans sa gueule. Ouais, mais c'est pas grave, c'est triste, il fera avec. Ouais, bon, on va faire le jeu du je t'emmerde là maintenant là. Est-ce que tout le monde est prêt pour le jeu du je t'emmerde? On est prêt. On est prêt. Je t'emmerde. Quoi? Voilà. Je t'emmerde. Il y a Issam et il y a Arnaud. Bonjour. T'es là Issam de Liège? Oui, bonjour toute l'équipe. T'es bah salut Issam. T'es là Arnaud d'Orléans? Salut. Alors dis donc, pourtant Arnaud 24 ans, Issam 23 ans. Issam dit bonjour. Bonjour. Arnaud dit bonjour. Bonjour. 12 ans. Hey, les ados là. Oh là là là. Hey, on va faire un test. Non mais attends, Arnaud, il y a une voix beaucoup vachement grave, je trouve. Qu'on appelle la police de la FM là. C'est pas attends, sérieux, attends, là. Attends. Hey, Arnaud, refais un peu bonjour. Bonjour. Non, ça va, hein. Par rapport à Issam, ça va. Bah, par rapport à votre âge, vous avez une voix relativement jeune, je dois bien admettre, effectivement. Bon, cela dit, c'est pas grave. On va donc jouer au jeu du je t'emmerde. Vous connaissez le principe ? Ouais. Ah, bon, bah alors je le rappelle, bravo Issam. Bon, le concept est très simple. On va donc appeler des gens au hasard, ok ? Ouais. Le principe, avoir une discussion logique. Je précise parce que la semaine dernière, c'était un peu n'importe quoi. Donc, une conversation logique, la plus naturelle possible. Ouais. Donc, faut pas juste décrocher, dire je t'emmerde. Ça ne marchera pas. Faut dire bonjour, etc., parler et mettre des je t'emmerde au fur et à mesure. D'accord? D'accord. Celui qui en place le plus aura gagné. Qui veut commencer? Tu peux commencer, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. On va faire un pile ou face, là. Issam, tu prends quoi? Pile. Attends, je lance la pièce. Il est à fond, le gars. Non, je me foutais de votre gueule. Allez, on va la refaire. Eh ben, c'est fils. C'est fils. Issam, ton doigt va te mettre un point dans le cul. C'est face. Bon, Issam, du coup, c'est pour ta pomme. D'accord. Eh ben, on y va. Allez. On appelle au hasard. Donc, le temps est indéterminé. Tant que la personne ne raccroche pas, ça continue à jouer. Tu dois placer un maximum de je t'emmerde. T'es prêt? D'accord. Super. Allez, Issam. Bonne chance. Allez, à votre avis, combien Issam va mettre de je t'emmerde? On verra bien. En tout cas, on va compter. Toff est là, hein. Je compte. T'es l'huissier. Très bien. On y va. Bonne chance, Issam. T'as le seum. Allez. Ah, il y a une Reachable qui était prête aussi, là, pour je t'emmerde. Ah, bah oui, mais bon. Allô? Bonjour. Oui, je t'emmerde, ça va? Je vous dérange pas, j'espère. Je t'emmerde. Allô? Oui. Je t'emmerde, ça va? Dis, tu parles pas beaucoup. Allô, je t'emmerde. Allô, je t'emmerde. Et réponds, je t'emmerde. Allez, salut, je t'emmerde. Réponds. Heureusement que j'ai écrit une phrase logique. Au vide. Salut. Il lui répond pas. Ça va? Tu fais quoi de beau? Il est toujours là. Tu te déranges pas, j'espère. Allô? Réponds. Ah, mais il a raccroché. 43 secondes. Et franchement, t'as eu de la chance, hein. Parce que le mec il répondait pas, mais il était là. Donc t'as eu vraiment de la chance, Issam. Bon. J'ai fait combien de fois? 12. Ouais, non, mais t'as eu de la chance, voilà. 12 fois, Issam. Bon, Arnaud? C'est de la triche. Bah non, c'est pas de la triche. Il fallait faire une conversation logique, mais il répond pas à l'autre, donc qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais le mec, il a pas eu de conversation. Bah oui, mais parce que l'autre répondait pas. Tu vois, c'est pas comme si l'autre répond et que... Après, ça dépend sur qui tu tombes, quoi. Ah ouais, il a eu du bol, c'est le seul moment. Ça se trouve, t'auras plus de chance encore là et tu diras pas, ouais, c'est de la triche. On va savoir. Bon, Arnaud, allez, on y va. Il faut battre le score qui est de 12. On y va, c'est parti. Allez, Arnaud. Allez, bonne chance, Arnaud. Crois-toi, là. Allez, Orléans, là, on y va. On va voir si Orléans est plus fort que Liège. Allez, il y a Mélanie qui dit aussi « Mickaël, t'es magnifique. » Oh, merci Mélanie. Big up à l'équipe aussi, vous me faites délirer, continuez. Bon, on va pas s'arrêter, t'inquiète pas, en tout cas, c'est pas prévu. À tout de suite, voilà. Répondeur ? Oui. C'est bizarre, il y a quelqu'un. Ouais. Allô? Non, bah écoute, je sais pas, non, c'était personne décroche, ça va pas décrocher a priori, c'était le répondeur, mais il marchait pas. Bref, on appelle un autre, c'est pas grave. Bon, si jamais ça décroche pas, on compte sur vous pour envoyer les numéros, hein. Bah, vous pouvez les envoyer si vous voulez, on sait jamais, hein, je prends de l'avance. Vous envoyez Mickaël, espace le numéro d'une personne qu'on peut appeler maintenant, là, si vous êtes sûr qu'il ou elle est encore debout. Vous envoyez ça au 64 900 pour la France et puis au 30-44 pour la Belgique. Ah, ça y est, on joue de malchance là. Chaque fois qu'on fait le je t'emmerde, on joue de malchance. Ouais, bon, vrai, on a du stock. On a du stock, mais bon, c'est pas grave. On va finir par tomber sur un autre là. On vient d'en appeler un autre, Arnaud. Vas-y, faut battre 12. Allez. Oh, quelle galère. Attends, j'en appelle encore un autre en même temps, on sait jamais. J'en appelle deux en même temps pour être sûr. Oh, quelle galère, je savais. Allô? Oui, bonjour, je suis votre nouveau voisin. Ah, ça, oui, ça démarre mal, ça. Je vous appelais parce qu'on organise une petite soirée, je vous emmerde. Et je vous invite avec votre mari, je vous emmerde. Et je veux savoir si vous voulez venir, je t'emmerde. Ça vous dit? Non? Ah, c'est mort. Bon, bah, je t'emmerde, hein. Ouais. Hein? Ah ben voilà. Ça fait 4, c'est pas terrible, ouais, effectivement. C'est dommage parce que c'était, il a tenté quand même, il a fait l'effort de. Mais, voilà. Ouais, c'est vrai que t'as mieux joué, mais t'as eu plus de chance parce que la personne parlait un tout petit peu plus parlé, pas grand chose, mais un tout petit peu. Mais t'as eu plus de chance. Bon, est-ce qu'on laisse la deuxième manche ou. Voilà. Ah bah oui, deuxième ouais. manche. Bon, ah ouais, oui. deuxième manche. Issam, on remet le couvert, attention, si tu fais mieux que 12, on gardera la meilleure note. Si tu fais moins, on garde 12. Et Arnaud rejouera aussi d'ailleurs juste après, j'espère qu'il y aura assez. Que ça va décrocher, vas-y Issam. C'est quoi ce son dégueulasse dans le téléphone là? Allez. Allô? Oui, allô, bonjour, je t'emmerde, ça va? Comment? Je vous dérange pas? Je t'emmerde, ça va? Mais qui êtes-vous? Ben, je suis votre voisin, je t'emmerde. Comment? Quel voisin? Je t'emmerde. Ton voisin à côté, je t'emmerde. Je peux venir chez vous? Non, te casse pas. 7, c'est pas terrible. Hein. Et là non plus, Issam, t'as pas. Là pour le coup, elle était plutôt ouverte, t'as pas fait vraiment une discussion logique. Hein. Attendez, je peux venir, je t'emmerde, ouais. Tu vois. Donc, pas terrible, hein, Issam. Bon, on va appeler un autre pour Arnaud, là. Deuxième et dernière chance, Arnaud, là. Faut battre le 12, là. Je compte sur toi. Vas-y, Arnaud. Et tu peux mettre la discussion logique un peu sur le côté pour faire. Comme Issam, quoi. Je vais finir par croire que c'est toi qui portes la poisse, Arnaud. Hein. Ouais, c'est ça, parce que dès qu'on appelle pour Issam, ça décroche tout de suite. Dès qu'on appelle pour. Oui, allô? Oui, c'est toi? Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Oui. Je vous appelle car j'organise une petite soirée célibataire. Arrête, s'il vous plaît. Je vous emmerdais tellement que. Je vous emmerde, quoi. Et je voudrais savoir si vous voulez venir, car je vous emmerdais toujours et que. Vous... Quoi? Non. Non? Vous n'êtes pas intéressé, je vous emmerde? Non? Ah ben voilà, c'est encore une fois perdu. 4 plus 4 ça fait jamais que 8 hein. Oui. Voilà, donc même en additionnant les deux ça marchera pas Arnaud hein. Même si t'as mieux joué, mais bon le résultat est le même hein, c'est dommage. C'est perdu. Voilà, c'est une victoire pour Issam. Ouais, voilà, Issam de Liège qui vient de remporter la semaine du Je t'emmerde. Bravo Issam. Bravo. Merci. Eh ben je t'en prie. Arnaud, malheureusement tu retournes chez toi les mains vite, mais tu es évidemment bien entendu le bienvenu pour jouer. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, t'inquiète, pas de problème. Allez, passez une bonne soirée tous les deux, à bientôt. Je serai big up. Allez, vas-y, mais une seule personne, hein, Issam, ouais. Tu connais le principe, hein, vas-y. Je serai big up à Jimmy. D'accord, eh ben, le message est passé, voilà. Pas de problème. Salut. Merci. Ciao merci à toi. L'équipe. Allez, à au bientôt. Revoir, à la bonne soirée. Salut à vous deux, bye bye. Bon, bah, très bien. Et puis, on va repartir avec les mythos aussi dans un instant, puisque je vous rappelle que c'est une Brésilienne qui a décidé donc, enfin, qui a bouffé son téléphone pour éviter que son mec, pour éviter de montrer le message qu'elle devait planquer à son mec, parce que son mec avait grillé un SMS. Il lui a dit, vas-y, montre-moi le téléphone, montre-moi le message. Et plutôt que de lui montrer ou de trouver un mytho, ben, en fait, elle l'a bouffé. Véridique, elle a failli crever, elle a dû aller à l'hosto pour l'enlever, tout le bordel. Donc c'était comment est-ce qu'on peut avaler un téléphone? Ça va faire un mal de chien, c'est un truc de ouf. Oui. Non, mais t'imagines la violence du truc quand même. J'arrive pas. Oh là là là là là là, c'est un truc de ouf. Bref, en tout cas, si vous avez déjà caché des trucs à votre copain, à votre copine, comment vous vous êtes sorti de là en fait? C'est surtout ça le truc. Est-ce que vous avez fait comme elle? Vous avez avalé votre téléphone? J'en doute. Ou comment vous vous êtes déjà sorti d'un mytho? C'est ça la grande question que j'aimerais vous poser. Venez nous en dire un petit peu plus maintenant. Je compte sur vous, bien évidemment. Vous envoyez votre message, vous appelez directement Sandro au standard. Ça se passe au 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. On va saluer également. Enfin, saluer lire les quelques messages qui arrivent aussi là sur le Twitter. Il y a Cassandra qui dit Mickaël, t'es top, je t'adore. Tu me fais délirer, c'est un grand plaisir de t'écouter. Merci Cassandra. Il y a Ilana aussi qui dit je suis à l'hosto là toute seule dans ma chambre, vous êtes géniaux, vous me faites trop rire, continuez comme ça. Ben, je pense que c'est pas grave, Ilana, en tout cas, merci à toi. Joséphine qui dit bonjour, je t'emmerde, ambassadrice, je t'emmerde, Avon. Il y a Ilana aussi qui dit des vrais dingues avec leur son. Et Pauline qui dit ça fait 3 jours que je vous écoute et vous me faites marrer, mets un coup de marteau piqueur, s'il te plaît. Ah bah attends une seconde, alors, parce qu'il faut que je le branche. Le marteau piqueur, alors attends, je te prends le marteau piqueur. Elle a pas demandé si je dois le mettre sur la tête de Toff ou pas, mais on va le mettre par défaut hein. Voilà, par défaut c'est mieux, comme ça au moins elle est tranquille. Et Elliot qui dit aussi là, depuis la semaine dernière je vous écoute, je vous kiffe, vous êtes énorme, petit délit au King of the Limit. Merci Elliot, enfin, je sais pas si c'est moi, mais en tout cas merci pour le message. Voilà. Non mais il est beaucoup mieux comme ça là, ça va beaucoup mieux. Tu trouves pas? Je me sens beaucoup mieux là. Hein, Rémi, tu trouves pas qu'il est plus beau comme ça depuis qu'on lui a mis un coup de marteau piqueur dans la tronche? Si, il est mieux comme ça. Ah, il est mieux comme ça. Je suis assez d'accord. Merci. Tu trouves pas qu'un coup de lance-flamme serait mieux pour la finition? Ouais. Et un bazooka. Ouais, vas-y, cherche tout. Cherche les tout, deux. Pas ah peur, bah, Rémi, d'accord, tout. Alors on y va. Voilà. Là, il est bien, là. C'est pas mal. Je suis mieux. Ah, attends, il reste un peu de poussière. Voilà, là on a tout enlevé. Là on est mieux, là on est mieux, là on est mieux. Bah merci en tout cas Rémi, parce que j'avais pas pensé à lui mettre un petit coup de bazooka dans la tronche. Là, ça va beaucoup mieux comme ça. Bon Rémi, alors toi tu nous appelles d'Albi, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et tu nous appelles pourquoi? Mais pour parler des meufs qui font chier au téléphone. Au téléphone? Ouais, racontent leur life. Bah c'est ce que ouais, je vais faire là non? Mais c'est le principe d'une meuf en fait. Bah ouais, bah oui, c'est le principe d'une meuf. Oh voilà. Genre il se la ramène alors qu'il a une voix de fille encore. Quoi? On va l'opérer. Non, je disais que c'était marrant de dire que tu sais que tu dis ouais, j'en ai marre des meufs, elles racontent leurs problèmes et tout au téléphone, elles sont reloues. Alors que bon, comme t'as pas encore mué, t'as encore un peu une voix de fille quoi. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? LOL. On va t'opérer avec une fourchette, on va t'arranger ouais. Les cordes vocales là. On va remettre les cordes vocales à la bonne place, effectivement. Ouais. Bon, mais c'est quoi ton histoire, Rémi là? Pourquoi t'en as marre? Qu'est-ce que t'as vécu? Dis-nous. Ben, hier, j'étais au téléphone avec ma meuf. Ouais. Et elle me racontait ses problèmes de famille. Ouais, bah c'est bien. Si t'as une meuf, c'est quand même là aussi pour ouais, non, déjà c'est t'as une quand meuf. Même chiant. Bah, oui. C'est chiant, mais bon, t'es serais content d'avoir quelqu'un à qui parler, toi, si t'avais un problème en famille, non? Moi, j'aimerais bien avoir une meuf qui m'appelle, qui me raconte ses problèmes. Ouais. Menteur. Mytho. Quel mytho alors? Non mais c'est vrai non? Ouais bof. Bah écoute, moi je trouve en tout cas que ce serait plutôt pas mal. Ouais. C'est quoi ses problèmes? Ses problèmes c'est qu'en fait elle se dispute avec sa famille, elle me le dit, moi tu vois j'essaie de la réconforter normal mais bon. Après moi j'en ai un peu rien à foutre quoi. Oh mais t'es scandaleux, c'est sympa. Sois un gentleman dans ta life. Ah il est bon lui, ah il est pas mal. Hey, Rémi. Ouais. Tiens, ça c'est pour le fait de pas respecter ta copine, ça, Rémi. Là. Ouais. Elle vient pour te demander des conseils et toi t'en as rien à foutre, c'est pas bien. T'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines. Ah oui, d'accord, ok, non oui, mais d'accord, ok, non mais là c'est différent, évidemment, si ça fait que 2 semaines, je comprends. Bah oui, mais à ce moment-là, c'est que tu l'aimes pas, Rémi, sinon t'en aurais. Si, je l'aime, mais bon. Mais non, t'en aurais quelque chose à foutre de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle pense, si tu l'aimais vraiment. Oui, mais. Non, tout à l'heure, vous m'avez appelé, ouais. Je lui ai dit, je passe sur Fun, elle m'a dit, ok, c'est bien. Mais non, ah bah là, elle va être contente si elle écoute la radio de savoir ça, hein. Mais oui. Ah bah là, il fallait réfléchir. Elle écoute, là? Non. T'es sûr? Parce que si tu dis, je passe sur Fun, moi, je suis à sa place, j'écoute quand même pour voir ce que tu vas dire. Hein. Ouais, mais elle me croit pas. Ah, elle te croit pas? Bah écoute, c'est l'occasion comme ça. À mon avis, elle va certainement écouter. Et du coup, t'es bien dans la merde. Bon, Rémi, reste avec nous. On va reparler avec toi dans quelques instants. Là, bougez pas de là. On aura Thomas aussi pour par rapport au mytho. Puis on a Célia aussi avec nous là maintenant là du Val d'Oise. Salut Célia. Bonsoir tout le monde. Comment ça Bonsoir. Va Célia, 26 ans du Val d'Oise? Oui. Eh bien, écoute, plutôt bien. Dans la ville préférée de Toff, là, Deuil-la-Barre. Bah comme il y a barre dedans, il doit y a deuil surtout. Et puis il y a deuil aussi d'ailleurs, effectivement. Ça sale gueule. Et bien sûr. Si vous me chauffez comme ça, Célia, combien mesures-tu? Bah genre, c'est grâce à nous. C'est 1m65. Combien pèses-tu? 85 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ça va aller, oui. Bah oui. Tu peux le mitonner, de toute façon, on s'en fout. Hein, ouais, mais dis-là, on s'en fout, de toute façon. Voilà. Allez. 85, c'est. 85, c'est mal, un beau mytho. Là. Et quelle est la taille de dernier pantalon que tu as acheté? 32. C'est ça, hein, Célia? Oui. Voilà, t'as vu? Ouais. Hey, 85C, 32, je peux te dire qu'il y a un moment, il y a quelque chose. Hein. Bah, surtout pour 85 kilos. Hein, ah, bah, 32, ouais, ouais. 85 kilos dans un 32, ça doit vite craquer. Hein. C'est ça, non, ouais, c'est ça. Bon, Célia, donc toi, tu nous appelles par rapport au mytho, donc par rapport à la brésilienne, là, qui plutôt que de montrer un message que son mec avait demandé de voir, elle a avalé son téléphone. Et donc, du coup, je vous ai demandé ce que vous aviez déjà fait pour éviter un mytho. Enfin, ce que vous aviez déjà fait pour éviter justement de montrer un truc à la place de mitonner, vous avez fait une connerie, mais quoi? Moi, j'ai pas fait une connerie en fait. J'ai envoyé, j'ai retourné la tête, au mec, parce que j'avais une histoire pareille et mon mec, il voulait pas me montrer son téléphone. Donc j'ai fait, mais toi, quand tu as été dans la situation, tu ne peux pas montrer ton téléphone, donc je vois pas pourquoi je te montrerai le mien. Ouais. Et je l'ai envoyé jusqu'au bout et au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. J'ai pas tout compris, Célia, ce que tu m'as dit. Au bout d'un moment, il a fait quoi? Il a lâché l'affaire parce qu'il savait qu'il devait... Ouais, qu'il devait pas te prendre la tête. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais, non, d'accord. Mais donc, t'as pas avalé le téléphone? Non. Ah, c'est moins rock'n'roll que la brésilienne, Célia, hein. C'est sûr. Ouais, c'est un petit peu moins rock'n'roll que la brésilienne. Mais bon, c'est pas très grave, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien. Il y a un message aussi qui est arrivé. Ah, mais c'est Joséphine par rapport à Rémi, tiens. J'ai le même problème que Rémi avec ma meilleure amie, elle arrête pas de me raconter ses embrouilles avec son mec. Du coup, la batterie de mon faux ne tient plus la charge. Et alors, il y a Morgane aussi qui dit, je vous écoute en direct, vous me faites trop rire, un petit coup de marteau piqueur. Allez, encore un, tiens, hop là. Voilà. Voilà, ça c'est pour refaire la tête de Toff, tiens, comme ça au moins il est mieux. Fait que tu trouves, hein, Célia, qui est quand même mieux, non? Ouais, est-ce, ça, que, je te, est-ce que je te plais comme ça? Bah, j'irai peut-être pas jusque-là non plus. Ah, hein. Bon, pardon. J'irai pas jusque-là. Bon, bah merci Célia, en tout cas, je te fais des gros bisous. Salut! Salut! Allez, à bientôt. Ciao à toi, Célia, bye bye. On aura Jean aussi dans un instant, là. Bonsoir, Jean. Bonsoir. T'appelles pourquoi, Jean? C'est concernant les mythos, enfin c'est quelque chose, j'ai fait quelque chose d'aussi moins glauque que la brésilienne. Mais... Très bien, bah alors ne bouge pas Jean, on va en parler dans un instant, d'accord? Ok. Bon bah bouge pas, on va refaire aussi un petit coup de... oui ça fait longtemps qu'on l'a plus fait, tiens celui-là, tiens c'est parti, on va se refaire un petit coup de la colle du jour avec Gaylord. Alors t'es là encore? Oui. Oui. Bon alors Gaylord, vas-y fais péter la colle du jour. Alors je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin. Qui suis-je ? Voilà, encore une belle colle en bois. Si vous avez la bonne réponse, il y a des cadeaux évidemment pour vous, à vous de jouer. Il suffit simplement de venir maintenant, tout simplement sur les SMS. Hein, vous envoyez Mickaël, espace la réponse, au 64 900 et pour la Belgique au 63 22. Donc je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin, qui suis-je ? C'est ça ? Très bien. Allez hop, Mickaël est la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au, 30, au 63 22 pour la Belgique. Merci Gaylord, on te reparle dans un instant, d'accord ? Ok, il n'y a pas de problème. Et on donne la réponse dans moins de 10 minutes, donc maniez-vous hein, si vous voulez tenter de jouer avec nous, n'hésitez pas. On va se faire aussi le son de Lady Gaga dans un instant sur Fun Radio. Et n'hésitez pas à débarquer aussi, on est les seuls à vous follower également, car on s'intéresse à vous en vrai pour le coup, on vous répond tout au long de la journée, enfin je dis on mais c'est moi. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, twitter.com, vous tapez Mickaël officiel, et pareil sur Instagram, vous me faites un follow et je vous rendrai l'appareil. Voilà, on fait ça dans un instant sur Fun Radio, venez prendre le contrôle, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Là. Allez, balancez vos messages évidemment maintenant. Allez, c'est parti. 01 42 48 5000. Et puis, venez également délirer avec nous sur la page Facebook. Là, il y a du monde sur la page Facebook. Il y a Marie également qui vient d'envoyer un message. Moi, j'ai déjà simulé un malaise parce que j'étais en retard à un rendez-vous. C'est pas bien ça, Marie. Il y a Marion également qui est connectée. Il y a Antonin, il y a Yann, il y a Geoffrey également, il y a Cassandra. Venez tous nous rejoindre. Et les rejoindre d'ailleurs également sur le Facebook de l'émission facebook.com/mickaëlofficiel. Et attention, j'ai toujours la PS3 à vous offrir tout à l'heure, ce sera avant 2h du mat sur Fun. Donc si vous voulez choper la PS3 pour qu'on puisse jouer ensemble par exemple en réseau hein, je l'ai fait tout à l'heure aussi avec l'ananas sur Twitter, là où je l'ai bien mis sa race à l'ananas hein, il a bien perdu là. Donc si vous voulez vous aussi tenter de me battre, et bien n'hésitez pas, venez maintenant facebook.com/mickaëlofficiel pour tenter de repartir tout simplement avec votre PS3 et le jeu FIFA 13. Bonne chance. facebook.com/mickaëlofficiel. Et puis on va s'écouter celle qui est en interview lundi chez Bruno dans la radio, Lady Gaga maintenant, c'est Applause sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Ah mais oui, exactement, évidemment. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons. Hein. Mais c'était d'ailleurs un message qui était adressé à Toff, hein, ouais, il faut ouais. Le savoir. Bon, d'ailleurs, on voulait mettre un coup de bazooka dans la gueule, tiens. Voilà, c'est comme ça. Nouveau bazooka qui vient d'arriver d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à le rendre célèbre ce bazooka. Je compte sur vous si vous voulez, si vous vous emmerdez là maintenant, là vous mettez hashtag Mickaël Bazooka. C'est bien sur Twitter. Voilà, hashtag Mickaël Bazooka, faites péter le message aussi d'ailleurs auprès de votre pote hein, pour qu'ils se demandent un petit peu ce que c'est. Hashtag Mickaël Bazooka, on attend ça et puis vous avez jusqu'à 2h là pour faire tourner. Voilà, je compte sur vous, hashtag Mickaël Bazooka. Et puis tant qu'à faire, mettez en top tweet. Hein. Même si pour le coup, si on cherche quelqu'un qui peut nous expliquer, parce qu'il y a des moments en fait il y a des trucs qui sont top tweet sur l'ordinateur de Polo et pas sur le mien. Ouais, et je comprends pas très bien le concept, pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre, et pas toujours pareil au même moment sur tous les ordinateurs. Donc c'est bizarre, voilà. Donc s'il y en a un qui s'y connaît, hein, qui n'hésite pas à passer, il n'y a pas de problème, il pourrait être récompensé par exemple une bonne claque dans sa gueule. Voilà, ou un coup de cadeau. Ouais, mais c'est, attends, c'est un beau cadeau. Ah, ou un coup de lance-flamme, je sais pas. Il y a un message de Lucas qui dit, vous pouvez chanter joyeux anniversaire Alexis pour mon frère. Vous serez au top. Oui, on peut chanter joyeux anniversaire. On peut même le faire encore un petit peu mieux si tu veux. Hein. Ce que je te propose, c'est plutôt de le faire en version un peu particulière, celle-là, quoi. Laquelle? Voilà. Ah. Voilà. Il y a que c'est le film où que ça passe, celle-là, tu vois. Voilà. Voilà, bon anniversaire Alexis le frère, là, comme ça c'est fait. Il y a un message aussi, c'était Lucas qui a envoyé le message. Il y a un message de Benjamin qui dit, tu as joué à FIFA contre le mec qui avait le Barça, mais je crois me rappeler que tu avais le Real. Oui, mais en même temps, pour un fan du Barça, le Real est une équipe de merde, donc techniquement, il avait toutes ses chances. Il y a Petit Panda aussi qui dit, Mickaël, je veux bien te mettre une raclée à FIFA 13, mais il faut la PS3 et le jeu. Ouais, mais ça change rien parce que je suis sur l'iPhone. Donc si vous voulez me rejoindre d'ailleurs sur FIFA 13, n'hésitez pas, c'est Mickaël, nos limites, tout simplement. Venez me rejoindre, on jouera ensemble demain sans problème. Il y a Grace aussi qui dit on se fend la poire ici. Et puis il y a Spinocarp qui dit vous êtes trop swag, continuez. Et Morgan qui dit vous êtes super, je vous écoute depuis pas longtemps. Je suis déjà accro, continuez comme ça, c'est gentil. Morgan, et continuez avec le top tweet là. Vous mettez le hashtag Mickaël et Mickaël Bazooka pour célébrer l'arrivée de mon nouveau bazooka ce soir que j'ai reçu de la poste. Donc ça fait plaisir quand même. Je l'avais commandé là sur eBay. Donc merci, voilà. Hashtag Mickaël Bazooka, je compte sur vous. Hein. Vraiment, je compte sur vous avant 2h. Vous avez intérêt à vous manier quand même. Bon, et ce matin aussi, alors pour ceux qui étaient connectés sur Facebook, Twitter et Instagram, je vous ai mis aïe putain ça fait mal, c'est con de se faire mal comme ça. Et il y en a plein qui m'ont dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que t'as fait, etc. En fait c'est con, c'est vraiment enfin je vais pas dire un accident parce que c'est pas grave, mais c'est vraiment se faire mal de manière bête. J'étais dans la douche. Donc à Walpé forcément dans la douche. Et donc j'avais les membres à l'air. Bah oui, enfin peu importe. Enfin si, il y a quand même un rapport quand même. C'est donc j'étais dans la douche, je termine la douche, donc je prends la serviette. J'attrape la serviette, je la prends. La douche est quand même relativement petite. Et en fait, au moment où je reprends la serviette pour la lever et donc frotter le dos, tout ça, en fait, elle me glisse des mains. Et donc, du coup, en fait, si vous voulez, j'ai voulu essayer de rattraper la serviette, que j'ai bien sûr raté, sinon c'était pas drôle, en me donnant un putain de coup dans les couilles. Oh. Ah, je peux vous dire que j'ai senti passer celle-là. Hein. Oh là là là là là là là là. Donc voilà, je vous avais dit, hein, c'est rien d'exceptionnel, mais sur le moment même, j'avais envie de partager ce moment justement, et c'était, c'était violent. Ouais, enfin, c'était. Tu t'es fait mal pour rien, quoi. Non mais oui, c'était un coup. Bah oui, pour rien, pour le coup, c'était vraiment con. Oh là là. Hein. Mais je l'ai quand même bien senti passer pour le coup. Hein. Putain. En fait, Mickaël, il vit un drame. Tu sais, il se coupe un petit peu. Il y a une goutte de sang. T'as l'impression que le Samu il doit arriver, quoi. Non mais attends, tu veux un coup dans les couilles? Tu veux que Paulo il donne un coup de pied dedans pour voir ça marche? Ça n'a rien à voir. Attends, mais j'ai voulu le rattraper quand t'as un réflexe. Je veux lui mettre un coup dans les couilles. Ouais. Je sais que ça t'excite. Quand t'as un réflexe, tu descends ta main super vite pour essayer de le rattraper. Tu penses pas au reste. Donc quand tu te donnes un coup dans les couilles, je peux te dire que ça fait mal. Hein. Vraiment mal. Ouais, bah ouais. Oui, attends, c'est bon. Petite nature. Genre, je suis hypochondriaque, c'est ça? Un peu. Hein, j'ai toujours mal partout. Un peu, c'est ça. Ouais. Qui est hypochondriaque ici? C'est genre, quand il regarde un truc, il a toujours l'impression que ça va lui arriver. Avant, j'étais comme ça. Moi, une fois, je suis parti voir mon médecin parce qu'en fait, j'avais une espèce de mal là sur le côté droit. Ouais. En fait, moi, je pensais que j'avais un problème à la couille droite. Non, parce que ça relançait dans le nerf. Ouais. Et je me suis fait une parano et en fait, je suis parti voir dans les bouquins, sur internet et tout pour voir ce que c'était. Et j'étais persuadé d'avoir une torsion testiculaire. Donc, je vais voir mon médecin et je lui dis, ouais, c'était un vieux médecin à l'ancienne. Il dit, ouais, qu'est-ce qui vous arrive? Donc, je lui explique. Bah, j'ai mal à la couille. Et moi, regarde, il fait, écoutez bien, arrêtez de dire vos conneries là. Sur internet, c'est ça qu'il faut faire, hein, c'est aller voir sur internet parce que ça te raconte n'importe quoi. C'était juste un petit problème de nerf et puis c'est passé au. Voilà. D'accord, ok. Mais tu stresses, ouais. Et puis j'ai un petit problème avec ma dent là encore. Ah oui, c'est vrai qu'il a encore un petit souci avec sa dent, effectivement. Et Toff, hypochondriaque ou pas un peu, non? Non, moi généralement, en fait, avant que je m'inquiète, faut un moment, quoi. D'accord, bah à la limite, au début, j'ai toujours l'impression de me dire, ouais, ça va passer, On a le temps, à la cool, voilà, tranquille, quoi. On comprend la gueule en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les trucs. Bah, si vous avez trop longtemps. Si vous avez des numéros de gens qu'on peut appeler ce soir là avant 2h, là, balancez les numéros là, je compte sur vous. Vous mettez ça sur le SMS, vous envoyez Mickaël espace le numéro quelqu'un qui décroche, hein, vous êtes sûr qu'il est encore debout. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 30 44 pour la Belgique et puis on va les appeler, c'est genre Toff, il va se faire passer pour un hypochondriaque. Oui, ça me paraît un bon plan ça. J'ai la main qui tombe. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai la couille qui grossit. Bah, on fait ça dans un instant. Tiens, il y a Anaïs aussi qui dit mon pauvre chouchou, c'est pas de chance. Je veux bien t'embrasser les couilles si tu veux. C'est dégueulasse. Ah bah elles sont propres maintenant. Il y a Valou aussi. Qui va, oui, je vous connais depuis 4 jours, je vous kiffe. Merci Valou, sois la bienvenue. Oh, et puis Valou, préviens tous tes potes également, hein, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Teddy qui dit je vais te mettre une branlée à FIFA 13. Bah viens déjà sur l'iPhone, on t'attend, on a tapé Mickaël No Limit sur FIFA. Il y a Roar aussi qui dit parfois les tendances sont en mode personnalisé et parfois c'est une histoire d'actualisation. Ah bah voilà, c'est ça aussi. Puis après il y en a qui payent apparemment aussi pour être en top 8, alors forcément c'est plus facile. Cassandra qui dit Mickaël, t'es le meilleur, n'empêche, tu n'es pas doué, te donner un coup dans les couilles, mais bon, t'es le meilleur, full feu. Oui, t'inquiète pas. Et puis Tom aussi, Tom No Limit qui dit ah Doctissimo, ah ouais, c'est le truc, c'est sympa, mais c'est le pire truc quand t'as un problème, tu deviens complètement parano avec ça. Ah bah ouais. Il y a le doc, faut aller voir le doc, mais il voilà. Parle lui au moins. Il y a TFN aussi qui dit salut Mickaël, un petit coucou à toute l'équipe, je vous écoute tous les soirs et c'est que des fous rires, merci à vous, continuez comme ça, vous êtes génial, géniaux même, c'est mieux Tiffienne. Et adopte un chocobon qui dit va te faire enculer fils de pute, gros délire avec les chinoises. Ah bah elles étaient au taquet les chinoises là, c'était ça hein, quand on les avait appelées avant-hier là. Oui c'est ça, va te faire enculer fils de pute. Voilà, puis on avait rappelé hier, on était tombé là. Par contre je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà, et puis on a eu aussi la grand-mère là. De toute façon moi je réponds pas aux cons hein. Mais elle avait raison d'ailleurs hein, justement. Et il y a des messages, il y a des numéros qui sont arrivés là justement là ce soir. Donc ce que je propose, c'est qu'on appelle, on appelle le premier numéro là. Ah, direct comme ça, t'es chaud là. Non, tu veux attendre un peu? Non, vas-y, vas-y. T'es chaud ou t'es pas chaud? Bah, je suis pas chaud, mais on va y aller. T'as peur ou t'as pas peur? J'ai très peur. Bon, bah alors on y va, c'est parti, on y va, on appelle. Allez, c'est parti. Sauf qu'il s'est passé pour l'hypochondriaque de service. Merci pour les numéros, hein. Allô? Allô, oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai un petit problème. Oui? Oui, voilà, en fait, j'ai le sexe qui gonfle. Comment ? J'ai le sexe qui gonfle. Eh ben bravo ! Mais merci ! Mais du coup je suis inquiet, je voulais savoir si vous pourriez regarder. Quoi ? Non, est-ce que vous pourriez regarder ? Est-ce que ça m'inquiète ? Mais ça va pas, non ? Bah si, enfin non, ça va pas justement. Bah. Et du coup, vous voulez pas regarder ? Allô ? Ah bah allô, elle a raccroché, hein, dommage. Là, alors on va la rappeler, elle avait l'air gentille, on va la rappeler, voilà. Oui. Voilà, c'est reparti. Oui. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui. Voilà. Mais c'est pas drôle, madame, ça gonfle. Mais qu'est-ce que... Du coup, je voulais savoir si vous pouviez regarder, parce que j'ose pas aller voir un médecin. Bah oui. Ça me gêne, vous comprenez? Oui. Ah bon, bah c'est gentil. Bon, je peux passer chez vous, alors? Oh, Dieu, mais qui c'est? Bah, comment ça, qui c'est? Je m'appelle Toff. Mais je vous passe mon mari alors. D'accord, passez-moi votre mari. Alors. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui arrive? Mais en fait, voilà, j'ai mon sexe qui gonfle. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes une copine? Mais non, je comprends pas. Oh, viens donner ma femme. Comment? Viens. Qu'est-ce que vous voulez? Viens donner ma femme là. Non, mais je ne comprends rien, monsieur. Ah non. Moi, j'ai un petit problème avec mon sexe. Il est trop. Avec qui? Mon sexe, il grossit. Oh, et qu'est-ce que ça y est? Et donc du coup, je voulais que vous regardiez pour me dire que ça fait pareil chez vous. Écoute, on va qu'à carabine, on va. Qu'est-ce qu'il a dit? Carabine. Carabine. Oh là là, je vais mettre un coup de carabine. Bon, j'ai bien des fusils, mais c'est tout, hein. Bah, attends, on va y descendre. On rappelle ou pas? Ouais. Bah, encore oui, un coup. Derrière, allez, encore un petit coup, là, c'est pour moi. Oh, ça gueule de nouveau. Alors. Oui, j'ai pas compris. Votre mari voulait que j'aille où? Mais qui vous êtes? Mais c'est pas drôle, madame. Attendez, ça gonfle. Et vous, vous moquez de moi? Oh, purée. Ah, mon mari, il dit qu'il me vend, quoi. Ah, je peux vous... Mais je veux pas vous acheter. Oui, oui, ça sent bizarre, quand même, ouais. Mais non, moi, bah justement... Vous avez de l'expérience, vous allez pouvoir regarder, me dire ce que j'ai. Ah, que le bon Dieu vous garde, parce que... Alors, qui vous êtes? Je m'appelle Toff, madame. Toff? Oui. Et alors, qu'est-ce que je peux faire par le téléphone? Je peux rien faire. Par téléphone, rien, mais est-ce que je pourrais passer chez vous? Oui. C'est vrai? Oh, merci, madame, vous êtes gentille. Bon, j'arrive tout de suite, hein, parce que ça gonfle. Et ça m'inquiète. D'accord. À tout de suite. Aïe, aïe, aïe, j'ai pas le ventre. Allez, t'es cool. Eh, pour une fois, fois, il se fait pas insulter, dis donc. Non, elle était bon esprit. Ah non, elle était bon esprit, ouais, elle était bon esprit. Il y a Laetitia qui dit un petit coucou, à toute l'équipe. Là, tous les soirs, je vous écoute avec mon homme en jouant Need for Speed. Et je peux vous dire que vous nous faites marrer, continuez comme ça. Bah, merci Laetitia. Et, c'est sympa, un grand couple, là, tu sais, Need for Speed. Jordan qui dit, il a dit, bacaca la vigne, ça veut dire va chier dans les vignes en espagnol. Ah, d'accord. Ah bah non, il était pas si sympa que ça. Ah non, finalement il était pas cool, il s'est quand même fait insulter Tof, c'est dommage. Jonathan qui dit ah Tof qui se fait dégager par la vieille, trop gentille en plus. Et puis il y a Jack aussi qui vient d'envoyer son message. Moi je dis à mon prof que ma grand-mère était morte parce que j'avais pas fait mes exos. Oh c'est pas cool ça par contre. Il y a Roar aussi, Roar sur Fun qui dit ils sont juste excellents, la mort de rire. Non c'est vrai que pour le coup il s'est gentil là. On appellera d'autres cool. personnes. Je sais pas chez les grands-parents de qui on est tombé, mais en tout cas ils étaient cool. Donc si vous voulez vous aussi, vous avez des numéros, là, balancez-les nous, des gens vous êtes sûr qu'ils sont encore debout à Storcy pour qu'on puisse les appeler, puisque Tof se fait passer pour l'hypochondriaque de service. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à nous dire si vous êtes hypochondriaque, tiens, est-ce que vous aussi vous êtes malade imaginaire? Venez nous en parler, appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va prendre maintenant Thomas là par rapport au mytho. Là, t'es là Thomas? Oui. Oui, très bien. Thomas du 38. Alors, tu nous appelles oui. pourquoi toi par rapport au mytho? Bon, en fait, j'avais 10 ans. Ouais. Je voulais d'abord mon téléphone et ma mère m'a dit de pas prendre le numéro de mon frère. Ouais. Et je l'avais quand même pris. Et à force de parler avec lui, il avait prévenu ma mère. Et ma mère voulant regarder dans mes messages pour voir si je lui parlais vraiment, j'ai fait une fausse manip en fait et j'ai effacé tout mon répertoire. Ah c'est con ça. Ça c'est ballot. Ça c'est con ça. Mais pourquoi tu pouvais pas envoyer un message à ton frère, je comprends pas. Bah parce qu'en fait mon frère, mes parents pensent qu'il a une mauvaise influence. Ah, d'accord, ok. Ouais, bah c'est pas si grave que ça au final, t'as tout effacé, mais c'est pas un mytho ça, t'as fait une connerie, c'est tout. Ouais, oui, voilà. C'était pour couvrir son mytho quand même. Ouais, c'était pour couvrir un peu le mytho, c'est vrai. On est quand même loin de la brésilienne qui a avalé son téléphone. Mais il faut pas le faire, cela dit, hein, Thomas. C'est très bien comme ça. Il vaut mieux effacer ton répertoire que de bouffer le téléphone, je te le confirme. Non, mais c'est vrai, on sait jamais. Donc, non, c'est sûr. Attends, il y a aussi Jean qui est avec nous là de Paris. Là. Salut Jean. Salut. Oui, il va couper coupe ta radio, Jean, s'il te plaît. Oui, je coupe. Voilà, tout de suite, puis sinon ça fout le bordel. Alors, Jean de Paris, donc toi tu voulais réagir aussi au mytho, qu'est-ce que t'as fait comme connerie, dis-moi. Alors, moi c'est pas aussi glauque que la brésilienne, mais ça reste un peu, entre guillemets, impressionnant pour moi. Alors, vas-y. Parce que j'avais mon téléphone pro, en fait, avec toutes mes données pro, mon répertoire pro, etc. Et j'ai une application donc sur mon mobile qui s'appelle Grindr, donc c'est pour grosso modo... avoir des plans cul minutes, c'est-à-dire quand on désire. Attends, c'est comment ça? Attends, parce que toi, il est chaud comme la braise, là. Hein. Chaud comme la braise, là. Ça, tiens, tu viens de lui égayer sa soirée, là. Tu l'as raffiné. Eh, sa soirée était foutue, là, maintenant, il est au taquet. Hein. Alors, je la télécharge immédiatement. Comment ça s'appelle? Bah, en fait, tu peux la télécharger, ça pose aucun problème, si tu veux, mais je pense pas que tu vas trouver vraiment ce qui... C'est quoi? Pourquoi? C'est à cause de sa gueule, tu dis ça? Non, pas du tout, c'est parce que c'est une application de PD, si tu veux, donc... C'est une application pour les hommes qui aiment les hommes. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est assez intéressant, du coup. Excusez ma vulgarité. Non, mais du coup, il n'y a pas de problème, hein. Donc toi, t'es gay au final. C'est ça. D'accord, mais il n'y a pas de problème, hein. Non, mais tu vois, au moins... une application pour trouver. La télécharge, ça peut être marrant, ceci dit, si vous voulez vous éclater. Ah ouais, mais t'inquiète pas, la Tof, il va la télécharger pour se faire éclater, t'inquiète pas. Il va être attaqué comme ça. Grindr. D'accord. Grindr. Je note. Voilà, comme un Kinder, mais Grindr. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Au final. D'accord, ok. Ouais, la surprise est à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que t'as fait après? Et en fait, bon, j'ai mon smartphone pour le boulot, et donc j'ai installé cette appli donc sur mon téléphone. Et je discutais donc avec un mec qui était assez chaud mais qui avait des tendances un peu SM. Ouais. Ah sympa. Pour des résumer, alors je sais pas si SM. Je peux SM. Ah d'accord. SM. SM. SM. Alors je sais pas si je peux m'exprimer entre guillemets en toute liberté sur l'antenne. T'inquiète pas, on est chez toi. Précision, l'application est bien mise, hein, gay, bi et curious guy. Ah bah voilà, voilà c'est ça. Très bien. Bon, je l'installe immédiatement. Et donc Cartoff est curieux. Ouais. Et donc en fait, je discutais donc avec ce mec et bon, il me plaisait bien, ses photos me plaisaient bien. Les photos sont contractuelles sur ce site donc et j'étais dans la salle de bain. Ouais. J'étais dans la salle de bain, donc moi je suis maqué, ça fait 5 ans, j'ai un gamin, enfin bref. Et j'avais ce téléphone donc, dans la salle de bain, et je l'avais posé juste l'écran contre l'évier, donc ce qui permettait à mon conjoint de ne pas pouvoir voir le téléphone. D'accord. Donc, je pensais que mon téléphone allait s'éteindre, se mettre en veille toutes les 15 secondes ou 20 secondes. Et en fait, il a retourné le téléphone et le mec m'a envoyé donc une photo de son cul avec une vitre sous un god. Et il me demande qu'il voudrait la même chose, mais avec une main à la place du god, si tu veux. Oh là. Ah ouais, donc, sympa là, sur le site là. Oui, en l'occurrence, cette personne était glauque, mais c'est 3%, quoi, 3% de la population du site. Oui, moi je viens de rencontrer Olympique Suck. Et donc, mon mec prend le téléphone. Olympique Suck. Mais allez, car j'invente rien. Et donc, vas-y, continue, ouais. Et donc, mon mec prend le téléphone et me le balance sur le lien en me disant, tiens, il y a un mec qui souhaite que tu le fistes et que tu rajoutes une vitre en plus. Et ben voilà. Et moi, j'étais profondément choqué, bouleversé, gêné, je savais pas comment réagir parce que je savais pas qu'il m'avait répondu ça, en fait. Ah oui, d'accord, oui. Mais en même temps, ton mec, il doit tirer la gueule quand même. Pourquoi tu vas télécharger des applications comme ça? Non mais attends, je vous raconte la suite. Et moi j'étais gêné, donc il me dit qu'est-ce que c'est. Et je lui dis, rien, je m'amuse, mais je fais rien de concret. Il me dit, ah tiens, j'aimerais bien voir. Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai écrasé toutes les données. D'accord. Donc en fait, écraser les données, enfin c'est peut-être rien pour vous, mais mon téléphone c'est ma vie au niveau pro. Donc j'ai effacé tous mes contacts, absolument tout. La classe, quoi. Pour pouvoir m'en sortir. Donc juste pour une petite phrase, voilà, j'ai... Ah, t'as bien foutu la merde, quoi. J'ai foutu la merde dans mon boulot et un peu dans mon couple, mais bon. Oh putain, mais ça va, c'est arrangé là dans les deux ou pas? Ouais. Ah non, je me suis fait virer, mon mec m'a foutu dehors, je suis à la rue. Voilà, tout ça pour un mec qui m'envoie un god, c'est classe quand même, c'est cool. Non, mais tu vois, l'avantage de cette appli, c'est que je lui ai dit que je le trompais à ce moment-là, et du coup, ça nous a permis, alors, ça m'a permis d'être un peu plus libre que je l'étais auparavant. Quoi. D'accord, bon, au final, ça va, c'est pas une mauvaise opération, sinon voilà. T'as perdu tous tes contacts. Quoi. Que s'enfoncer un téléphone, enfin. Ceci dit, les Brésiliennes ont la réputation, ou plutôt les Brésiliens, de faire de très bonnes gorges profondes, donc si tu veux, c'est assez large pour engloutir un téléphone. Ah d'accord, ok, écoute, je savais pas, mais en même temps, je sais pas ce que c'est comme téléphone, je sais pas si c'était genre un petit Nokia ou un iPhone, ou tu sais, genre une planche de surf, là, tu sais, style les Galaxy, enfin c'est machin, les Galaxy Note, c'est ça? Ouais, Galaxy Note, ouais. Ouais, tu vois, c'est assez violent quand même, mais bon. Bah merci en tout cas d'être passé, là, genre, avec l'histoire, là, ça fait plaisir. Sinon, j'avais une question. Oh, bah... Merci à vous. 272 feet, ça fait loin? Ça fait 260 pieds, donc ça fait à peu près 100 mètres. Ah ben parfait, donc j'ai un contact à 100 mètres. En fait, je sais pas si le siège est à Paris, enfin si vos... Ouais, là, on est à Paris. Ouais. Ouais, bah normalement, vous allez en trouver, vous allez même en trouver à 12 mètres de... du siège, 12-15 mètres, c'est à Paris, il y en a vraiment dans un rayon. Ah mais attends, c'est peut-être le stagiaire là, Tof, que t'es en train de gérer là. Non, c'est un beau blague de 26 ans, non, il est pas mal. Ah ouais, d'accord, ok. Non, il est... Bon, ben, merci en tout cas, Jean, d'être passé. Allez, salut à toi. Soirée. Ciao et bonne nuit, à bientôt, bye bye. Bon, allez. Si tu m'écoutes, t'es plutôt bien gaulé. Hein. Ouais, mais bon, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on revient dans un instant. On va encore appeler d'autres personnes là dans quelques instants aussi, grâce à tous les numéros que vous avez envoyés. Ça fait plaisir, ça aussi. Et puis, venez nous rejoindre également. Hein. Vous venez également sur le Facebook pour choper votre PS3 entre autres et pour discuter tous ensemble. Facebook.com/MIKL officiel. Ouais, ça, c'est un son qu'on m'avait demandé avec le hashtag MIKL. Je vous l'avais demandé tout à l'heure. Le son de Crewella maintenant sur Fun Radio avec Alive. Et mettez aussi en top tweet là le hashtag MIKL. Quel bazooka là, on va faire ça dans un instant sur Fun, je compte sur vous. Crewella à l'instant sur Fun Radio. Allez, c'était Alive. Hello. pensez avoir tout entendu, vous vous trompez. Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oh, tout de suite, oh, la vulgarité, oh, c'est dingue, ça, quand même. Oh là là. Bon, puisqu'on y était, là, on va rappeler encore un petit coup là pour l'hypochondriaque. Là. On avait demandé si vous étiez hypochondriaque, justement, vous. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes aussi malade imaginaire, comme je l'ai eu, parce que je me suis donné un coup dans les couilles tout à l'heure. Alors, c'est pas imaginaire, je l'ai bien senti pour le coup. Hein. Mais voilà, et l'accident à la con ce matin en sortant de la douche, donc voilà, bête quoi. Donc du coup, ben, on appelle avec Toff là depuis tout à l'heure pour Toff qui s'est passé pour un hypochondriaque. Voilà. Bon, on y va? J'ai des maladies bizarres. Bah c'est ça, voilà, il perd ses mains, il perd ses cheveux, enfin bref, une histoire. Bon allez, on appelle maintenant sur Fun Radio. Merci à tous pour les numéros que vous avez envoyés là par SMS au 64 900 ou au 30 44 pour la Belgique. Au moins on est sûr que ça décroche. Ou pas. Ou pas vrai. J'écoute. Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui. Oui, je vous appelle parce que je suis pas très bien. Ah, c'est qui t'arrive? Ben en fait, j'ai un peu mal partout. J'ai ben, dit... ben alors il faut se jeter du pont. Ah bon? Mais ouais. C'est tout ce que vous. C'est le remède que vous me donnez alors monsieur? Exactement. Donc là ouais. Je me jette du pont et tout ira mieux. Voilà. Bon, ben merci beaucoup monsieur pour ce conseil. Ouais, parce que je suis en train de manger, alors il vaut mieux peut-être. D'accord, mais si je vous rappelle plus tard, vous avez un autre conseil à me donner? Je vais pas me rappeler. Ah oui, d'accord. Bon, c'est ouais. D'accord. Bah merci monsieur alors. Hein. Je cours. Allez, grosse bise. Hein. Mais moi aussi, je vais me jeter. Hein. Ouais. Au revoir. Ciao. Bon. À l'huile. Oh, allô, à l'huile. Oh, qu'est-ce qui était un yard là. Qu'est-ce que c'est nul. Oh, on était pas mal le à l'huile là. Il était très très bien. Bon, on en appellera d'autres tout à l'heure, rassurez-vous. Alors il faut aussi qu'on fasse un amour amour, gloire et vulgarité aussi. On a eu les deux. Bon, c'était pipolant là, hier soir là, les deux meufs là, qui appelaient là, Amandine et Manon, genre hey, je suis amoureux du copain de la meuf machin. Donc si vous étiez pas là, vous avez raté un grand moment aussi. On va vous le résumer dans un instant avec Marcel résumé. Roger. Ou Roger si tu veux, de toute façon c'est les mêmes, ils sont frères jumeaux. Ah. Voilà, c'est Marcel ou Roger résumé, on verra bien, j'arrive pas à connaître ni l'un ni l'autre de toute façon. Bon, on a Kevin avec nous maintenant là. Bonsoir Kevin. Ouais, salut Mika. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bon, oui, ça va bien, tiens. Attends deux secondes, il y a Dark Horse aussi sur le Twitter qui dit mort de rire, direct se jeter du pont, là je suis morte. Ah ouais, lui il n'est pas par quatre chemins, directement se jeter d'un pont. Melinda pareil aussi qui est mort de rire, Clara qui dit vais-je avoir mon pipeau et mon piano ce soir. Ah bah le piano là il est rangé, mais je vais essayer de le ressortir si tu veux. En revanche, le pipeau, pas de problème. La polo? Ouais. 3, 4. Allez. Merde. Ça, c'est t'es ça. Prêt? Ouais. 3, 4. Quel talent, voilà, j'espère que ça t'a fait plaisir. Mais oui, c'est le talent. Il y a Adopta Chocobon qui dit mais on se lève Mickaël, on mange Mickaël, fait nuit blanche pour Mickaël. Oh, c'est gentil Adopta Chocobon. Laure aussi qui dit Bazooka, mais qu'est-ce qu'il faut pas tweeter pour faire plaisir à Mickaël? Ouais, c'est mon délire de soir. Allez tweeter, allez, que ça apparaisse en top tweet là. Mettez hashtag et Mickaël Bazooka là, je compte sur vous. Hein. Alexis aussi qui dit Mickaël, les mignons ils sont où? Bah ils sont là les mignons là. Hein. Quoi? Bah ouais, ils sont là, ils sont en train, ils étaient pépères là. Bah, ouais. Est-ce qu'ils ont pris un bazooka dans la tête? Non, pas les mignons, ils sont cool. Benoît qui dit vous gérez trop, on vous écoute comme ça tous les soirs avec mon cousin, continuez comme ça, merci. César qui dit je suis plié, mort de rire. Et alors Sabrina qui dit c'est trop de la balle ce que vous faites, merci Sabrina, mort de rire, Toff, la fausse joie là, il veut se faire prendre. Quelle préférence il a, fille ou gars, bis vous cartonnez. Oh, il s'en fout, il est recto verso lui. Oui, bah, tant qu'on veut bien de moi. Bah, voilà, c'est ça. Mathis qui dit Mickaël, j'adore grave, merci Matt. Puis Brian aussi, Toff, il est chaud. Une Kinder dans le cul de Toff. Un Kinder dans le cul de Toff, pourquoi pas. Et Clara qui dit, je suis contente, j'ai eu mon pipeau, merci Polo. Eh bah, voilà, de rien. Bon, allez, on va récupérer donc Kevin. Alors, sois-tu nous appeler pour aussi par rapport au pipeau? Ouais, par rapport au pipeau, on va dire ça indirectement, ouais, par rapport à la femme qui a gobé son téléphone. Ouais, c'est ça, c'est la brésilienne quoi, la brésilienne qui a bouffé son téléphone pour éviter de montrer un SMS que son mec voulait voir sur son propre téléphone. C'est ça. Alors vas-y, c'est qu'est-ce ça. Que t'as fait comme connerie toi? Bah moi c'est pas une connerie que j'ai faite, c'était en fait quand je suis rentré chez moi un soir, il y avait ben, ma meuf qui m'attendait, après j'étais censé rentrer plus tôt du taf, et en fait elle a commencé à baratiner tout ça pour savoir ce que j'avais fait et tout. J'ai dit que j'étais avec une autre meuf, j'ai raconté en fait ni plus ni moins que la stricte vérité, et elle m'a pas cru. Ça c'est le truc, c'est quand tu dis ouais mais non mais je suis avec une autre meuf, c'est que t'es honnête, t'es franc, tu l'avoues, non mais je te crois pas. Ah c'est ça. Non mais je te crois pas, tu vas pas me faire ça, je te crois pas. Non mais elle y a pas cru parce qu'elle aurait pas pensé que j'aurais sorti ça frontal quoi, elle pensait que je l'aurais caché au final. Oui c'est ça. Et du coup ça s'est fini comment cette affaire? Bah, du coup, ça s'est fini comment? Ça a duré quelques temps supplémentaires, puis par la suite, fini quand même. Fini par découvrir le poteau rose à un moment donné, quand même. D'accord. Elles savent bien fouiner, les femmes, à un moment donné. Ah, bah ouais, non, mais ça c'est clair. C'est les meilleurs, mais meilleurs que Colombo, tout le bordel. Ah oui. Ah ouais, bah ouais. Même Derrick à côté, ils vont rien. Oui, bah Derrick en même temps, là où il est, ils vont rien non plus. Enfin, tu me diras, Colombo non plus. Eh bah, très bien, bon, bah, Kevin, le principal, c'est que ça t'est fait marrer. Au moins, t'as pris bonne note, hein. Tu vois, finalement, ça sert à rien d'être honnête, apparemment. Ouais, si, ça sert. Si, ça sert, la preuve. Ouais, non, mais elle te croyait pas. Elle te croyait quand même pas. De quoi? Bah, si, là, non, mais ça, c'est par la suite, c'est parce qu'il y a eu d'autres suspicions. Ah, oui, d'accord, parce que t'as continué à faire de la merde. D'accord, ok. Ah, ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, non, mais d'accord, alors comme ça, j'ai compris. Bon, très bien. Bah, merci, Kevin, d'être passé sur Fun. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Et puis continuez l'émission, les gars, c'est génial. Bah, c'est gentil. Merci, Kevin. Ciao à toi, à bientôt à Motoban, bye bye. Et puis, on va prendre dans un instant Véro, là, qui est hypochondriaque. T'es là, Véro? Ouais, je suis là, ouais. Ça, ouais, je suis malade. Je suis très déçu, je m'attendais à avoir une fille. Non, c'est une fille, mais elle est malade. Attends, ah, t'es malade? Non, ouais, ouais, je suis malade, ouais. Ah, très bien, voilà. Mais tu t'appelles comment, Véro? Bah, en fait, je m'appelle Véro, en fait, c'est mon surnom, donc voilà, je préfère passer inaperçu. Écoute, inaperçu, très bien. Bon, bah, Véro, attends, bouge pas, tu vas parler des hypochondriacs, là, à Saint-Gaultier dans l'Indre. Bouge pas de là. Okay, avant cela, on va quand même donner la réponse maintenant à la colle de ce soir, là. Attention, c'est parti. C'est avec cette musique-là. La colle. T'es toujours là, Yelord? Ouais, toujours. Bon, parfait. On va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante, celui ou celle qui va repartir avec le cadeau. Pour ça, évidemment, le concept, c'est simple. Il suffit d'avoir la bonne réponse à la colle que tu as posée tout à l'heure. C'est-à-dire, je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin, qui suis-je? C'est ça. C'est ça. Bon, allez, on y va, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, il a la bonne réponse, il gagne. S'il ne décroche pas ou s'il a la mauvaise réponse, tu gagnes, Gaylord. C'est parti. Quoi qu'il en soit, quelqu'un gagne. Oui. Et la bonne nouvelle, t'as une chance sur deux. Allez. Ça a l'air d'être plutôt positif pour toi, Gaylord, là. Ça décroche pas, là. On verra bien. C'est ah bah, c'est ça, hein. Attention, si c'est le répondeur, tu gagnes. Plus qu'une sonnerie, je pense. Allô? Oui. Ouais, bonjour, allô, comment tu t'appelles? Christelle. Salut Christelle, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Salut. Ça va bien? Ça va. Et t'as mis le temps à répondre, on a failli se prendre, oui, le répondeur là. J'allais m'endormir. Ah d'accord, ok, là. Très bien. Ah bah attends, si tu t'endormais, attends, je te mets ça, tiens. Ah là, beaucoup de flammes dans la tronche, tiens. Ah là, on est mieux là. Hein, t'es mieux là comme ça, Christelle, oui, non? Tout de suite, ça va mieux. Ah voilà. Christelle, tu nous écoutes de ton lit? Non, je suis descendue là. Oh merde, déception totale. On était content d'avoir une fille au lit, tout ça. Bon, Christelle, alors tu as la réponse peut-être à la question de Gaylord là, qui va te reposer. Oui. Je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin. Qui suis-je? Alors bah, c'est Milou. Bon. C'est Milou? C'est exactement ça. Eh ben voilà. Eh ben bravo Christelle, sur le film, et c'est gagné. Gaylord qui a attendu pour rien, et donc le pauvre. Bon, non, je suis content d'être quand même passé. Hein. Bon bah écoute, exactement, bah tant mieux. Bah Gaylord, en tout cas, t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux sur Fun. Y a pas de souci. Salut Gaylord. D'abord. Allez, bah vas-y, t'auras gagné ça au moins. Je fais une petite dédicace à Marcel, il se reconnaîtra, à l'heure actuelle, il écoute. Très bien, bah on l'embrasse aussi, ça marche. Salut Gaylord, ciao à toi. Bonne journée. Allez, bye. Ouais, bonne journée aussi toi, hein, 46. Bonne soirée, pardon. Ciao. Et Christelle, bah écoute, désolé du dérangement, hein. Pardon? Je dis désolé du dérangement. Oh, c'est pas grave. Non, tu m'étonnes. Bon, bah, y a pas de problème. Christelle, tu vas rester au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Ça marche, merci. Bon, beaucoup. Il faut un peu attendre parce que Sandro mange, elle a pas de partout, hein, donc. Oui, bah, il faut qu'elle se sustente, c'est normal. Salut Christelle, gros bisous. Salut. Oui, allez, à bientôt. Salut. Ciao à toi, bye bye. Bon, et dans un instant, le résumé, donc, de amour, gloire et vulgarité. On fait ça dans un instant sur Fun Radio, le temps d'écouter le son de Will.i.am maintenant avec Miley Cyrus. Ah, elle fait parler d'elle, Miley Cyrus, ces derniers jours là, depuis qu'elle a fait le MTV Video Music Awards. On écoute Fall Down maintenant sur Fun au cœur d'une heure sans pub, il est minuit 47. Allez, bonne soirée avec Fun Radio, on est là jusqu'à 2h. You make my world, you make my world. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Mais oui, on est là en direct là, ferme ta gueule et collard là. C'était hier soir là quand ça a plutôt mal passé, hein. Ça s'est plutôt mal passé. Oui, parce que nous avons trouvé des nouveaux amis pour Toff. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Voilà, ils étaient très gentils ceux-là. De toute façon, moi je réponds pas aux cons, hein. Ben, elle a bien raison d'ailleurs, hein. Voilà, c'est ça, elle a bien raison, mamie. Bon, si vous avez des numéros, n'hésitez pas, on va encore en appeler là maintenant là des gens très sympathiques, puisque Toff se fait passer pour l'hypochondriaque de service. On va d'ailleurs prendre Véro dans un instant. Voilà, il a besoin de soins, donc on va en appeler encore un petit là. Allez, vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Je sais pas où on va, mais on appelle. Allons-y. Bah oui. Allez, c'est parti. Donc si vous avez des numéros, allez-y, balancez-les. Hein. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je me sens pas très bien. En fait. On n'est pas médecin, c'est seulement le nom de famille. Oui, c'est ça, vous êtes médecin. Non, non, on n'est pas médecin, c'est le nom. Bah, si. On porte le nom. Non, on n'est pas médecin, monsieur. On a le nom de famille médecin, mais on n'est pas. Vous voyez, vous appelez médecin, donc vous êtes médecin. Non, non, on n'est pas médecin. Bah si, puisque vous venez de me dire que vous étiez médecin. Non, c'est notre nom de famille, monsieur, qui est oui. Notre nom de famille. Donc vous êtes médecin. Non. Bah comment ça, non, vous venez de me dire que vous étiez médecin. Non, monsieur, je ne suis pas médecin. Je m'appelle. Je suis. Mon nom de famille, c'est médecin, mais ce n'est pas ma profession. Donc je suis bien chez médecin. Vous êtes bien chez la famille médecin, vous n'êtes pas chez le docteur. Ah, en plus, vous êtes plusieurs médecins dans la famille. Donc vous allez vraiment pouvoir m'aider parce que je suis vraiment pas bien, monsieur. Non, on n'est pas plusieurs docteurs, non. Bah, vous venez de me dire que vous étiez une famille de médecins. Mais c'est notre nom de famille. C'est juste ça. Non, c'est. Oui, oui, j'ai bien compris. Donc, dans la famille, vous étiez médecin. Et donc, est-ce que vous pourriez me recevoir? Parce que je suis vraiment pas bien. Je sais pas ce qui se passe, mais là, il m'arrive des choses bizarres. Quoi? Ben, je perds mes cheveux, je commence à avoir la main qui tremble, et j'ai mon pied qui veut se détacher. Alors, du coup, je m'inquiète, vous comprenez? Ah, c'est pas bon. C'est ben, voilà. Pas... Vous voyez, donc il est temps que vous me receviez, quoi, pour une consultation. Pour ça, franchement, ça sort de ma compétence. Je crois que c'est un cancer, il faut aller à l'hôpital. Non, allez voir M. Blunier. Il est médecin, M. Blunier ? Oui, il est médecin, M. Blunier. Mais parce que vous êtes médecin aussi, donc pourquoi vous m'envoyez chez un autre médecin ? Parce qu'on est peur. Hein. Oui, mais vous êtes médecin. Non. Bah si, vous venez de me dire que vous étiez médecin. On porte le nom de famille, médecin, mais on ne sommes pas médecins. Voilà, donc forcément, si vous êtes médecin, vous pouvez me recevoir. Quel relou. Bah, si vous voulez, vous pouvez aller prendre un laxatif, ça va passer. Ah, avec un laxatif, tout va s'arranger ? Tout va s'arranger. Bon, bah merci beaucoup, docteur. Ah, c'est du Smecta. C'est allez. Du Smecta, très bien, bah c'est gentil. Allez, bonne soirée. Merci, docteur, de m'avoir aidé. De rien. Au revoir. Au revoir. N'importe quoi. Donc tu vas prendre du Smecta alors. Hein. Oui, j'y vais. Je vais prendre un laxatif et après tu prends du Smecta. Voilà, c'est ça. Essaye avec ça. C'est le docteur qui l'a dit. Ouais, ça va être bien. Voilà, il est médecin, justement. Bon, on en appellera d'autres tout à l'heure si vous avez des numéros ou des monsieur médecin. Ouais, si on n'y avait pas pensé, mais pourquoi pas, ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. Vous nous envoyez votre numéro, enfin, le numéro de la personne qu'on peut appeler à cette heure-ci, là, maintenant, par SMS, par exemple. Vous envoyez Mickaël, espace la réponse, enfin, la réponse, le numéro, au 64 900 ou au 30 44 pour la Belgique. Veuillez aussi nous rejoindre, hein, sur le Twitter, les gars, là, on vous attend, hein, les filles, les garçons. Vous êtes évidemment les bienvenus. Prenez le contrôle. Je vous rappelle que si vous me faites un follow, eh bien, je vous followerai également à mon tour, hein, je le fais chez tout le monde. D'ailleurs, on va le faire direct maintenant. Là, allez, hop, c'est parti. Les derniers qui viennent d'arriver maintenant. Il y a Emeline, ça y est, c'est parti pour le follow. Il y a Jalousie également. Il y a Aleina, il y a Vidal, il y a Prost, il y a Foncé, il y a Morgane, il y a Marseillais OM, il y a Loulou Sex Shop, Loïc également. Il y a Mathieu, Jessie, Charlie, Julien, Tom, etc., etc., qui viennent donc justement d'être followés également et qui viennent également d'ailleurs de me follower. Bon, ben les autres, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, n'hésitez pas. Si vous êtes Twitter sous la main, là, M-I-K-L officiel, on vous attend. Bon, Véro est avec nous là, 19 ans là. Allô Véro. Ouais. Bon, comme on était dans les hypochondriacs là, justement, toi tu veux nous expliquer ce qui se passe chez toi là, au niveau des hypochondriacs. Ouais, en fait, c'est pas facile à vivre tous les jours. Hein. Ah ben non, mais c'est clair. Alors pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est, hypochondriac, c'est quand t'es persuadé d'avoir toutes les maladies du monde. C'est-à-dire qu'en fait, dès que t'as une espèce de petit bouton sous la peau, par exemple, tu sais, parfois ça arrive, une espèce de petit kyste ou une connerie, t'es persuadé que c'est une boule, que c'est le cancer, que tu vas clamser, etc. C'est ça. Et voilà, donc t'es persuadé qu'en fait, t'as toujours les plus graves maladies du monde tous les jours. Donc c'est vrai que c'est une angoisse. Bah la pire angoisse c'est surtout avec les nanas quand même, parce que c'est vrai que bon, quand t'as peur d'attraper le sida et puis que t'aimes pas trop le latex, c'est vrai que c'est un choix qui est assez dur à faire. Ouais, alors donc, si je peux te conseiller des capotes sans latex, il y en a qui existent, c'est les je crois qu'il y en a chez Durex, des capotes sans latex. Alors c'est plus cher. C'est plus cher, mais par contre effectivement du coup t'as pas de problème d'allergie quoi. Bah non, le souci c'est pas l'allergie, c'est plutôt le fait d'être c'est le plastique qui est pas très agréable quoi. Le plastique, donc, heureusement c'est pas en plastique. Le souci c'est ça quoi, c'est que bon bah t'as peur de choper une maladie, mais bon tu sais que ta tête va te dire que tu l'auras de toute manière, donc c'est vrai, c'est un combat de tous les jours, hein. C'est pas facile à vivre. Ouais non mais c'est clair, mais t'as déjà été voir un mec pour t'aider, genre un psy ou quoi, non? Bah on a fait de l'acupuncture déjà pour essayer une fois. Moi j'ai pas ça que j'aurais fait en premier, mais pourquoi pas. Une fois, j'ai vu un psychiatre. Bon, bah, c'est le médecin traitant qui me conseille. Hein. D'accord, ouais, ouais, non, mais pourquoi pas. Hein. Après, j'ai été voir un mec qui fait l'imposition des mains. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais voilà, mais après, ça, c'est encore différent. Tu vois, hypochondriaque, ouais, tu vas peut-être te choper une maladie, mais t'es. Comment dire. Hypochondriaque, c'est vraiment ceux qui sont persuadés ouais. parce qu'ils ont un symptôme à la con. C'est genre, le mec, il va éternuer, il va peut-être. J'en sais rien, moi. Imagine, il a une petite blessure à la gencive, qu'il y a un petit peu de sang qui sort de la gencive, il va éternuer, il va voir du sang sur sa main, bah c'est la fin du monde quoi, on est prêt à l'enterrer là. C'est une hémorragie de toi là non? Non non, t'es ouf, non non. Ouais, t'as l'impression que c'est l'hémorragie, ouais c'est ça, tu vas clamser. Ah oui, c'est l'horreur. C'est vrai que c'est complètement idiot, mais le problème c'est une peur, c'est avoir peur de tout le temps, alors que c'est tellement vite arrivé, on peut pas faire face. Ah non, mais c'est clair. D'ailleurs, si vous aussi, là, vous êtes hypochondriaque, là, venez nous en parler un petit peu pour qu'on voit un peu comment ça se passe chez vous. 01 42 48 5000, appelez le standard de fun. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Bah, merci en tout cas, Véro, d'être passé. Et puis, bon courage. Hein. Dédicace, allez, vas-y, à une seule personne, là, vas-y. Non, je vais le passer à plusieurs. Ah non, Véro, tu vas passer à une seule personne, là, Véro. Ça sera à Maxime et Benjamin. Voilà, très bien. Ok. Et il y a un petit cadeau quand même. Ah bah, dis donc, t'abuses un peu, là, Véro, là, quand même, hein. Ouais, on va te filer. Je vous explique mon problème. On va te filer. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Ben, on va te filer une compile, voilà. On a donné beaucoup de choses déjà ce soir. Eh ben, tant pis. Voilà. Comme je vois que ça fait chier Sandro. Mais non, c'est parce que le quota, le quota. Eh ben, ouais, tu vas lui donner un bout de ton sandwich. Eh ben, tu vas donner un bout de ton sandwich. Voilà, avec plein de maladies dans la bouche. Bon, je te renvoie chez Sandro, Véro. Bonne soirée à toi, à bientôt. Ciao, bye bye. Et on aura Mathieu aussi dans un petit instant là. Salut, Matt. Salut, Matt. Ça va bien? Ah bah oui, ça va et vous? Bah écoute, plutôt bien là, tranquillement, on est à la cool là, tranquille. Bon Matt, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah moi en fait, dimanche dernier j'ai fait un pari avec des copains, puis j'ai bouffé 12 pilules de Viagra. Mais t'es complètement con Mathieu. 12 ouais. Mais attends, mais t'as une goal depuis la fois bête, depuis le moment où tu les as bouffées? Bah depuis dimanche. Oh putain. Bon on va en parler dans un instant, on est plus à 5 minutes maintenant. Bon bah bouge pas Mathieu. Bon on va se faire... T'as écouté hier soir ou pas l'émission Matt? Ouais, j'ai écouté un peu. Ah bon, bah très bien. Est-ce que t'es tombé sur la fin de l'émission là avec les deux meufs là qui ont raconté n'importe quoi? Ouais. Ah bah très bien, bon, on va faire le résumé pour ceux qui étaient pas là justement, tiens. Allez, c'est parti pour le résumé maintenant là, le résumé avec justement notre ami ah bah c'est Roger. C'est Roger qui est là. Désolé, je vous reconnais jamais hein, Roger ou Marcel quand vous êtes jumeaux. Oui, mais Marcel n'est pas disponible. Ah d'accord, ok, très bien. Bah, me voilà rassuré. Oui, on peut voir ça. Me voilà rassuré, très bien. Tant mieux. Eh ben écoutez, je vous écoute alors pour le résumé d'hier soir alors. Hein. Amour, gloire et vulgarité. Dans l'épisode précédent d'Amour, gloire et vulgarité, Tara, Anna, qui est l'amie d'Anna, qui est l'amie de Tara, qui elle-même n'aime pas Charlotte, se déteste car Charlotte a couché avec Tara. J'ai pas que ça qu'à foutre. Et Anna. Mais peu importe. Le cousin lointain de Tara, Jis, clone raté, veut faire des blagues à son ami Johan, qui a une meuf qui s'appelle Marine. Jis veut faire croire à Johan qu'il a couché avec sa meuf. Mais Jis a vraiment couché avec Marine. Mais personne ne rit. Alors, Michael décide de tout nettoyer avec son lance-flamme. Exactement. Puis arrive Laetitia, qui vit avec Patrice. Elle veut savoir pourquoi Anthony a donné le numéro de téléphone à Julien, qui est aussi l'ex de Laetitia, qui a envoyé un message à Patrice, qui lui aussi un jour deviendra l'ex de Laetitia. Mais qui est Julien? Et pour tout ça, pour rien. Car on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. C'est con, mais c'est comme ça, amour, gloire et vulgarité. Connard, va! Dans ce nouvel épisode d'Amour, gloire et vulgarité, Amandine... Là, il y a un rire, normalement. Ah, excuse-moi, autant pour moi, je ne l'avais pas vu. Voilà, il est là. A décidé de trouver une amie sur adoptafake.com, le seul endroit au monde où tu peux trouver de faux amis. T'as vraiment aucune morale, Amandine. Amandine, qui vient d'arriver dans le monde merveilleux du fake, là où tout est plus simple, car tout est faux. Un peu comme Facebook, réussit à trouver une amie qui s'appelle Manon. T'es sérieuse, Amandine, là, quand tu parles? Amandine? Rencontre Manon, qu'elle appelle Anaïs. Elle peut choisir le nom de ses amis, car c'est ça qui est beau dans le monde du fake. Elle peut même l'appeler Julien. Mais oui, qui est Julien? Oui, Anaïs. Oui, ça va? C'est marrant parce qu'ils se sont trompés de prénom. Manon Anaïs, malgré son désir de s'intégrer au merveilleux monde du fake, ne réussit pas à supporter sa nouvelle fausse vie. Ah, je te crois pas. Amandine, elle, adore sa nouvelle fausse vie. Elle est tellement heureuse de cette nouvelle vie qu'elle rigole. Manon Anaïs pense qu'Amandine est un bébé qui va naître de cet étrange monde qu'est le fake. Tout est possible. Tout est possible, même d'avoir 5 pieds à chaque main. Accouche, c'est un... Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Manon Anaïs ne sait plus où elle vit. Est-elle dans le monde réel ou dans Fakeland, le pays où la vie est fausse ? Mais de quelle réalité tu parles ? Amandine, voyons que sa vraie amie... Sa fausse vraie amie est perdue, excusez-moi. Amandine, voyant que sa fausse vraie amie est perdue, décide de dire la vérité à Manon Anaïs. Elle lui avoue que leur vie est un fake. Mais tu te fous de ma gueule, là. Non, Manon Anaïs, c'est la réalité. Comme Neo dans Matrix, elle essaye de comprendre, car elle se pose beaucoup de questions. Mais ça s'est passé comment et où et pourquoi ? Elle ne comprend plus rien. Sa nouvelle fausse vie est chamboulée. Elle demande à Amandine qui elle est. Avec qui ? Avec moi. Pardon ? Oui. C'est nous deux. Est-ce qu'Anaïs, Manon et Amandine vont réussir à sortir de ce monde ? Et vont-elles réussir à trouver l'amour ? Et Amandine, va-t-elle retrouver un rire normal ? Et Neo, va-t-il revivre ? Et Neo, va-t-il revenir dans la matrice ? Et moi, avec mes résumés, vais-je enfin trouver la femme qui m'aime ? Et pourquoi quand je fais tomber ma tartine le matin, elle tombe toujours là où il y a le beurre ? C'est une grande question. Et le monde du fake, est-il vrai ou faux ? Tout ça et un peu plus, vous le saurez dans le prochain épisode de Amour, Gloire et Vulgarité. Ah, oh, c'était beau, c'était bravo, magnifique, un coup de pipeau pour le coup, tiens, voilà. Merci. Voilà, non mais je vous en prie. Donc c'était un résumé de l'histoire fake d'hier, hein, en gros, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté, hein, c'était hier soir donc dans l'émission. Comme ça, vous avez une meilleure idée de l'histoire de Marion, Anaïs, on ne sait même plus les prénoms, puisque elles-mêmes s'étaient embrouillées dans les prénoms. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'à la fin, quand on les a grillées, elles n'ont pas essayé de dire mais non, tu sais, genre dans le mauvais délire, elles ont dit bon ben ok, bah, on a bien essayé, allez, bah bonne soirée alors, à bientôt. Il y a Clara sur le Twitter qui dit je suis la fan numéro 1 de Roger résumé. La nana avec son téléphone, c'est un pélican en fait. Là, la gorge profonde, tu la sens bien, tu peux rentrer carrément dans sa gueule. Lol, c'est Sylvain Wagon qui avait envoyé le message, et c'est pas faux. Brian qui dit tof mort de rire en mode débile. Jordan aussi qui dit Mickaël, vous vendez du rêve. Bon, c'est gentil, Jordan. Il y a Nadia aussi qui dit dans un instant le résumé. Ah, bah non, on vient de le faire de Amour, Gloire et Vulgarité, justement. Et puis Logan qui dit pour Grindr, il y a moyen de. Ah, Grindr, c'est l'application. Il y a moyen de régler pour avoir la distance en mètres, choisir la tranche d'âge, etc. Et plus, normalement, pendant 7 jours, il y a la version extra gratuitement. Ah bah voilà. Ah bah voilà. T'as la version extra tof. C'est l'application en fait qui permet. C'est une histoire de... Bah, c'est l'application en fait pour localiser. Ouais, un truc de rencontre, mais pour gay, voilà. Et puis des gaylords qui dit en tout cas, j'ai peut-être pas gagné, mais je suis super content de vous avoir écouté tous les soirs. Comment vous viennent toutes vos idées et toutes vos conneries ? Alors là, ça vient comme ça. Ça vient comme ça vient. On prévoit pas, ça arrive comme ça, et puis on sait jamais à l'avance comment ça va se passer, effectivement. C'est comme ça, dans Amour, Gloire et Vulgarité. Ouais, merci Marcel Résumé, là, c'est bon, tu peux rentrer chez toi à un moment. Je suis Roger. Roger, pardon. Ouais, mais comme ils se ressemblent, c'est les mêmes, tu vois, je suis perdu, moi. Bon, il y a Félix qui est avec nous, là, du Doubs, là. Salut Félix. Salut. Comment ça va ? C'est pas dur, ouais, là-bas ? Ça va. Non, ça va, tranquille, hein, pépère. Bon, alors, Félix, ouais, on avait compris, la vanne, j'essayais de te sauver. Voilà, c'est pour le rendre service, mais il a pas compris. Bon, alors, Félix, toi aussi, t'es hypochondriaque ? Ouais. Alors, vas-y, genre. Bah, en fait, moi, il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un problème aux boules, donc j'ai une. Ah, toi aussi, tu t'es mis comme moi, un coup de poing dans les couilles ? Non, j'ai eu une hydrocèle, moi, tu sais ce que c'est ou pas ? C'est quoi ? En fait, c'est juste que t'as trop d'eau dans les couilles. Mais... En gros. Ah, mais c'est ouais, mais genre c'est un problème justement, c'est que t'as de l'eau à cet endroit-là et qu'il en faut pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça peut te servir de gourde. Ah bah oui, ah super. Oui, allez, donne la paille. Ouais. C'est sympa quand tu pars dans le désert. Alors évidemment, c'est pas tous les jours quoi, mais ça peut servir, ouais. Ouais. Donc voilà, donc quand j'ai su ça, j'ai cru que j'allais plus jamais avoir d'enfant et tout. C'est pour ça. Que j'étais un peu hypochondriaque sur le coup. Ah bah oui, non, mais ça peut foutre les boules, évidemment. Ah attends, boule, t'es drôle, non ? Non, ouais. Ça peut foutre les boules. Elle était bien placée quand même, hein ? Non, pas mal. Elle était bien placée. Bravo, voilà. C'est parfait. Bon, et donc du coup, c'était quoi en fait en vrai le problème ? Bon, en fait, il n'y avait aucun problème, c'est juste qu'il y avait un tuyau qui se passe à la naissance qui était mal bouché, il y avait de l'eau qui se remplissait, mais... Il n'y avait aucun risque, en fait. Ah, d'accord. Et moi aussi, j'ai eu ça quand j'étais petit, j'avais une couille qui remontait. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été voir la visite médicale, tu vois. Ils avaient fait la palpation quand j'étais petit, là. Et puis, il me dit... il y a un problème. Ah, tu sais, tu me dis ça. Moi, je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Ah, t'as dit, putain, il y a quoi, machin. Oui, mais il faudra aller voir le médecin avec, avec tes parents. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu vas chez le médecin. Et puis, en fait, non, ils ont dû me faire 3 piqûres dans les fesses. Ouais, t'avais dit, ouais, pour qu'elles redescendent, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Une fois par semaine, une piqûre dans les fesses. Et bien, en fait, pour que faire redescendre la couille, parce qu'en fait, elle était descendue. Puis, elle s'est dit, bon, finalement, c'est pas terrible, je vais remonter. Elle était remontée, cette connasse. Au chaud. Voilà, ouais, c'est ça. Je suis mieux à l'intérieur. Exactement, exactement. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que pour le coup, ça peut foutre un peu les boules, effectivement. Ouais. Bah, merci, voilà. Félix. Bah, de rien. Et tu reviens quand tu veux, hein. Ok. Bon, on va reprendre aussi dans un instant, là, Mathieu avec son histoire de pile de Viagra. Il y a Julien qui est là également de Toulon. Salut, Julien. Salut, Julien. Ça va ou quoi? Bah, il salue lui-même. Bah, ça va bien, et toi? Bah, bien, à part une petite pensée à Quentin qui est en prison et Jordan. D'accord, ok, très bien. C'est une belle matière, une belle entrée en matière. C'est une belle entrée en matière. Je l'aime, Quentin. Je l'aime, Quentin et Jordan. Je les aime. Oui, on a compris, Julien. C'est nous, tu nous appelles que pour ça? Bah oui, je t'emmerde aussi. Ok, très bien, Julien. C'est super, et Julien. Merci, Julien. Ouais, super, et Julien. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? Tu sauves. Ok, d'accord, Julien, c'est cool. Tu sauves. Hey, Julien, et peace. Manou, je Toulon est fier. Ok, super, c'est génial. C'est un bonhomme de Toulon. Oh, génial, Julien. Putain, tu fais honte aux mecs de Toulon, là. Ils doivent avoir honte, là. Ils sont en train de se barrer de la ville, minute après minute. C'est un drame. La ville se vide. Tu refuses de tête à tête et tu te pisses dessus. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas ce qu'il me dit. Tu te refuses de tête à tête et tu te pisses dessus. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas ce qu'il dit. Ouais, c'est chaud, il y a les cuves. Tu refuses de tête à tête et tu te pisses dessus. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas ce qu'il dit. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oh, dis donc, c'est mal, bien. Ça, quand même, là. C'est pas bien. Oui. C'est toi qui essaie de faire guetter tes poissons. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons, hein. Ah ben voilà, tiens, pour une fois, je vais prendre la même vanne qu'elle, effectivement. Bon, allez, Julien, allez, amuse-toi bien, ouais, tout long, hein. Je t'emmerde. Ok, moi aussi, je t'emmerde. Eh, c'est pas cool, hein. Salut, Julien. J'aime Quentin qui a un ampoule sur le pied. D'accord, c'est cool. Allez, tu m'as saoulé, casse-toi, Julien. Bon, on va se faire le son de Martin Garrix dans quelques instants sur Fun, hein. Restez bien là. On décalera aussi le son de Dog Sauce. Comme quoi, il y a des gens qui ont vraiment rien à dire. Oui. Et rien à faire. Ah, il n'y a rien à faire. Et quand t'es un minable, tu resteras un minable toute la vie. Non, mais il va grandir, c'est pas grave. Non. C'est l'âge bête, c'est ça arrive, c'est pas grave. En même temps, il avait 12 ans, si tu veux que ça lui arrive. Hein. Même au meilleur, hein, ça passe. Hein. Bon, il y aura aussi Showtech tout à l'heure, là. Allez, restez sur Fun Radio, il y a toujours le top tweet à faire aussi. Hein. Top tweet avec Mickaël Bazooka, puisque j'ai reçu mon bazooka là de la poste, là. Il déchire. Écoutez, je me fais écouter, là. Dans la gueule de Toff. Voilà, mettez-le en top tweet, là je compte sur vous là pour célébrer son arrivée ce soir sur Fun. Hashtag Mickaël Bazooka, je compte sur vous. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h, nos limites. Va-t'en enculer, gros bâtard. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio là. Et c'est parti, une heure sans pub maintenant, avant l'arrivée de JB là tout à l'heure à 2h du mat sur Fun Radio avec le meilleur des sons d'Enflor évidemment. D'ailleurs, si vous avez des sons à proposer, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël évidemment. Je compte sur vous aussi pour venir si vous voulez, pour choper votre PS3 là avec le jeu FIFA. Si vous voulez venir d'ailleurs m'affronter, vous êtes les bienvenus. On joue en ligne et tout ça, il n'y a pas de problème. Vous venez donc sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mickaël officiel. Il suffit simplement de faire un like là où je suis avec l'iPhone avec marqué FIFA 13. Vous faites un like dessus et puis on fait un tirage au sort parmi les likers tout à l'heure. Voilà, donc on vous attend nombreux maintenant. facebook.com/mickaël officiel. Dernière ligne droite pour tenter de choper ce soir eh bien votre PS3 avec le jeu FIFA 13. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis on va s'écouter maintenant le son de Robin Thicke également. Le petit dernier avec To Give It To You sur Fun Radio, que vous avez découvert sur Fun d'ailleurs. On va se le faire maintenant. Prenez le contrôle de Fun, 01 42 48 5000. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. La bonne nuit tout le monde. Hey, hey. Il marche pas mon son là, qui c'est qui me l'a tué mon Ah bah ouais, quelqu'un qui m'a tué mon son. On a volé un son. Ah ouais, on m'a déplacé mon son. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Alors du coup, bah forcément ça marchait plus, voilà, tout simplement. Et puis il y a aussi notre grand-mère évidemment préférée. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Exactement. Bon, il y a c'est quoi, il y a FWF sur le Twitter qui dit: je vous suis tous les jours depuis que vous avez changé d'horaire et je kiffe trop. Un petit coup de Mickaël Bazooka sur Sandro. Ah bah sur Sandro, pourquoi pas. Tiens, c'est vrai qu'on l'avait pas encore fait. On l'avait pas encore fait sur Sandro là, c'est parti. Allez. Ah, il a fallu que ça aille plus loin, évidemment. Hein. C'est pour ça, avec toi, c'était plus près. Jason Key, tu peux me lancer le lance-flamme, s'il te plaît. Un lance-roquette, une claque, un coup de marteau-piqueur. Ah, bah, le lance-flamme sans problème. Tiens, voilà. Voilà, et puis une gifle aussi. Voilà, comme ça t'es tranquille, Jason. Ouais, c'est bien parce patate, qu'il... Là, hein. Ah il demande. Alors moi je donne. Asia qui dit trop marrant l'émission, j'aime trop. Merci Asia. Il y a Sharfi aussi qui dit mort de rire, Mickaël, tu me tues. Abby aussi sur le Twitter qui dit mais ça peut te servir de gourde, j'imagine bien le truc. Non mais c'est vrai par rapport au mec qui avait de l'eau dans ses couilles, là, c'est pour ça. Camille qui dit en mode gros trimard la mort de rire. Et Kevin qui dit énorme le Julien. Vous êtes énorme les gars, continuez comme ça. Et Thomas qui dit le résumé. Pas mal du tout avec cette voix de trois petits points. Voilà. Bah écoute, il te remercie. Merci. Voilà, il est là. Et Christopher aussi qui dit, je suis Christopher de Villefranche de Rouergue et je vous écoute depuis le début, je vous adore Fun Radio et votre émission. Merci Christopher. Et Lily qui dit bonsoir à toute l'équipe. Vous allez bien ce soir, vous m'avez manqué, surtout toi Mickaël. Bah merci Lily, c'est gentil. Et puis Véro, allez vite fait, après je termine. Véro sur le Twitter qui dit mort de rire, ça m'a fait super peur le mec là avec mon prénom. J'ai eu une petite attaque quand j'ai entendu ça. Bah je m'attendais pas à voir un mec qui s'appelle Véro aussi. C'est vrai quand même que je dois l'avouer malgré tout. Bon, on va récupérer dans quelques instants notre ami, où est-ce qu'il est? C'est Mathieu là qui a bouffé 12 pilules de Viagra. Et, Mathieu, toi t'es quand même improbable. Ouais. Non mais c'est ouf quand même. Mais déjà tu les as trouvés où? C'est ça. Bah en fait, dimanche avec des potes, on a regardé Les 11 commandements avec ouais. Mickaël Youn. Très mauvaise idée. Et enfin non, c'est un bon film, enfin, c'est rigolo, mais très mauvaise idée parce que t'as envie de faire plein de conneries après. Mes potes, ils m'ont mis au défi de bouffer plus de pilules de Viagra que. Oh là là, mais et pourquoi t'as fait ça Mathieu là, putain. Bah, enfin, je sais pas, c'était le pari, là. Bah oui, non, j'ai compris que c'était un pari. Bon, on a déjà fait des paris à la con, hein, c'est pas ça, hein, mais 12 pilules de Viagra, mec. C'est-à-dire que tu dois avoir un braquemar, mais tu dois avoir un mal de chien, là. Ah bah, ça fait 3 jours, là, j'en peux plus, sérieux, je me réveille. Oui, mais ça va durer encore un peu, hein, mec. Ah bah, mec, mais ça va. C'est... Bah, en plus, c'est pas super bon, là, je sais pas exactement ce que ça fait comme effet, mais enfin, si, je sais ce que ça fait comme effet, mais pas comme mauvais effet. Mais ah ouais, là, ça va durer encore un petit peu, je sais même pas s'il y a un truc qui annule ça. Il faut que tu ailles chez le médecin, surtout, hein. Bah, c'est surtout ça qui. Enfin, je voulais savoir si personne qui avait une astuce ou un truc, parce que franchement. Alors, bah, si quelqu'un a déjà fait ce genre de conneries et qu'il a un conseil à donner, qu'il n'hésite pas, 01 42 48 5000, appelez Alessandro au standard, sinon, ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, mais oui, sinon il faut aller voir un médecin. Non, bah, à la pharmacie déjà pour commencer. Ouais, ouais, mais par contre, il faudra le dire, hein, tu vas te taper la honte, mais c'est pas grave. Hein. Mais non, c'est pas. Mais non, tu vas pas te taper la honte. De quoi non, mais Ah ouais, les glaçons ça marche pas. Glaçon, ça marche pas. Non, s'il va dans une pharmacie, il va se taper la honte. Chez un médecin, le médecin va rien dire, mais une pharmacie, c'est clair qu'il va se taper la honte. Bah, ouais. Bah chez le médecin, Mathieu, t'as trop. Voilà, mais il faut que t'ailles chez un médecin, effectivement, pour voir, et tu vas lui expliquer. Bon, bah, il va pas te juger, imagine, il est pas là pour ça, mais. Mais ouais, imagine, c'est hyper dangereux, on sait pas les effets secondaires ou quoi. Ah ouais. Bah, sinon, tu vas à la pharmacie, avec un survêt et tu mindras dessus. Ouais, ça, pourquoi ça, pas. Ça fait porte-manteau. Ça peut être une idée, ouais. Bon, hey, dites-nous, les autres, si vous avez déjà fait ce genre de conneries et si vous avez des conseils à donner aussi par rapport à Mathieu, là. Mathieu, 19 ans d'Auxerre, là, qui a pris 12 piles de Viagra comme au dimanche et depuis la Gaule forcément et on est mercredi. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, tu restes là Matt? Ouais, y'a pas de problème. Tiens, tu connais, bah évidemment t'as connu Michael Jackson. Bah oui. Ouais, tu savais que c'était son anniversaire aujourd'hui? Bah là, depuis le 29 là, depuis 1h19 c'était son anniversaire. Oh. Ah non, moi je savais pas. Ah bah voilà, bah, comme ça tu le sais. Donc du coup, comme Sandra est fan de Michael Jackson, du coup on s'est dit qu'on allait essayer d'appeler un marabout pour essayer de lui souhaiter bon anniversaire. Ouais. Donc on a Monsieur Bach qu'on va essayer d'appeler là maintenant là. Bon on va voir. Hein, si, tu crois qu'on arrivera à rentrer en contact avec lui ou pas Mathieu? Ah je sais pas. Bon, genre écoute, Monsieur Bach c'est un signe hein, parce qu'il m'a laissé un petit papier ce matin sur ma voiture. Ah c'est vrai? Oui c'est comme ça qu'on a le numéro. Ah il y a peut-être de ça alors. Écoute, on va essayer de l'appeler, reste avec nous Mathieu, là, bouge pas de là. Et puis bah c'est parti, hop, direction Monsieur Bach. Oui allô? Oui allô, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ouais, bonjour. Dites, excuse-moi, je voulais savoir, je voulais souhaiter bon anniversaire à un ami, qui a un défunt ami. Je voulais savoir si éventuellement vous pourriez m'aider à savoir s'il est là. T'es à vous, ton ami? Oui, un ami à moi, oui. En fait, donc, il est décédé depuis 2009 et là aujourd'hui c'est sa date de naissance, si vous voulez. Uh-huh. C'est le 29 et donc j'aurais voulu savoir s'il y a moyen de le localiser. Vous êtes à Bitou? Je suis à Paris. Ah, ok, à Paris. Oui. Comment vaut ton nom? Mon nom c'est Mickaël. Mickaël. Oui. Allô? Ouais, allô. Ah voilà, oui, non, je vous entendais plus, c'est pour ça que j'ai eu peur, hein, maman, j'ai cru que vous étiez parti. Non, je parle pas plus. Très bien, très bien. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir m'aider à le localiser? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est la date de naissance ou je sais pas? Ouais, sa date de naissance avec sa photo aussi. Tu peux me donner sa date de naissance? Oui, ah bah bien sûr, 29 août 1958, c'est aujourd'hui, hein. Le 29 août. Oui. 1958. Il a quel âge? Et il a... Ah ben là, il a plus d'âge, hein. Ah ouais, le 29 août 1958. Ok. Voilà. Alors, vous m'avez dit que... Il avait 50 ans, il a failli avoir 51, mais bon, c'est trop tard. Bah, vous m'avez dit que je regarde si je vais le localiser. Ah, si vous pouvez le localiser, ce serait bien. Ok, d'accord. Vous êtes habité où? Comment? À Paris. Vous êtes habité à Paris, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Vous le trouvez? Oui, attends, j'ai en train de regarder là. Bah oui, prenez votre temps. Ok, d'accord. Bah, rappelle-moi dans 5 minutes, là, ok? Ah, bah, d'accord, je vous rappelle dans 5 minutes, monsieur. Merci beaucoup, hein. Okay, là, tout merci, à merci. Voilà, tout à l'heure. Bon, alors je prends le rendez-vous dans 5 minutes, hein. Ah bah oui. 5 minutes, on le rappelle. Bah non, bah 5 minutes, on va le rappeler, tu penses. Bon, attends, il y a un message qui est arrivé. Où est-ce qu'il est celui-là? C'est bah Mathieu, il y a Orlando là qui est là aussi de Toulouse. Salut Orlando. Salut. Ça va? Salut. Ouais, ça va. Bon, tranquille. T'avais des conseils à donner toi à Mathieu là par rapport au Viagra? Non, pas vraiment. Ah, d'accord. Bah alors pourquoi t'appelles? Bah, c'est pour vous dire tout ce que j'ai avalé comme médicament. Moi, c'était du Smecta. Non, t'es sérieux? Qu'est-ce que t'as avalé comme médicament, là, Orlando? Smecta. C'est quoi, ça? C'est pour la gastro. Pourquoi t'as avalé ça? Pourquoi t'as avalé ça? C'était un défi. C'était un défi. D'accord, ok, très bien. Et donc, du coup, le défi, là, ça y est. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au final? Ben, j'ai fait que vomir. T'as fait que vomir? Vomir, ouais. Bah oui, t'attendais à quoi, évidemment. C'était quoi comme pari, là? Pourquoi t'as fait ce pari, là? C'était quoi l'histoire exacte? Je sais plus quand c'était. C'était au collège, c'était le dernier jour. Ouais. Et on est venu, tout le monde est venu chez moi, et on a fait une petite fête. Et du coup, tu t'es dit, bah tiens, je vais avaler ça, quoi. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et du coup, tu ne vas plus le faire, là, vu ce que t'as vomi, là? Comment? Je dis, du coup, tu ne vas plus le faire, là, vu tout ce que t'as vomi. Ah ouais, c'est la dernière fois que je fais. Ah bah très bien, bah il vaut mieux, ouais. Et toi, du coup, Mathieu, là, tu vas encore refaire tes petits paris à la con, là, avec ton Viagra? Non, je pense pas, non. Tu m'étonnes que tu penses pas, effectivement. C'est, ouais. C'est dommage, parce que bon, je suis sûr que ça te va bien, le mode portemanteau. Ah bah oui, bien sûr, attends, ouais. c'est le top, là. C'est vrai que ça a l'avantage, effectivement, c'est que tu peux faire prendre du linge, tu peux faire plein de trucs, hein. Le pire, c'est qu'hier, j'avais natation avec mon groupe. Oh putain, et alors? Bah ça faisait gouverner. J'ai eu un mot de tête pour pas y aller parce que la honte, quoi. Ah putain, c'est con, t'aurais dû aller, ça aurait été drôle. Mais ouais, t'aurais l'acquis et tout, tu vois, t'aurais pu te guider beaucoup mieux dans l'eau. Ah ouais? Non mais sérieux, ça aurait été super drôle. Attends, tu nous aurais raconté, on aurait pu se taper des barres, hein. C'est-à-dire qu'en plus tu serais tombé sur des meufs, les meufs elles auraient regardé et tout, ça se trouve t'aurais pu pécho des meufs. Ouais, c'est ça, elles se seraient dit, oh, regarde comment il est membré et t'as tout. Vu? Non, franchement, j'ai mis le post là avec le problème de Mathieu justement sur le Facebook à l'instant. facebook.com/mikaelofficiel. Si vous avez des conseils à lui filer par rapport par rapport au Viagra, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de conneries là, n'hésitez pas. Il y a un message de Geoffrey qui dit: Mikael, je commence à fatiguer un petit coup là, un petit coup de Mikael Bazooka et une claque s'il te plaît. Bon bah si tu veux, allez, Bazooka dans ta gueule, voilà. Voilà, et au cas où t'as pas tout pris. Voilà, comme ça tu l'as, tiens. Et il y a un message de Nadia qui dit: Mikael, l'appel au marabout est démentiel, vivement dans 5 minutes qu'on est à nouveau à l'antenne. Bah, on va le rappeler dans un instant là. Et Teuta aussi qui dit: je vous écoutais sur mon téléphone, mais soudain, la fin du monde, j'ai perdu le son. Heureusement, j'ai mon PC tout prêt. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs à partir de 23h. C'est bien sur Fun que ça se passe. Gros bisous à toute l'équipe. Merci Teuta. Et Eric qui dit: c'est dingue ça, les gens sont vraiment cons pour faire des paris aussi dangereux. Ouais, mais c'est ça, mais réfléchissez, parce qu'après il y a des paris drôles et puis après il y a des paris qui peuvent. Enfin voilà, regarde Matt. T'es quand même bien con là pour le coup là. Ouais non mais j'ai regretté parce que j'ai eu des palpitations le lendemain en fait. Ah oui, mais bien sûr. Et en plus t'as pas de meuf, tu vois, au moins si tu pourras en profiter, la meuf elle serait super contente là, tu pourras l'allumer H24. Ah super. J'ai une copine. Eh bah vas-y, profite mec. C'est ça tant qu'à faire, hein, autant jouer l'utile à l'agréable. Faut que ça serve à quelqu'un quoi. Voilà, attends, il y a aussi Thibaut. Ouais vas-y. Allô, je suis interne, je suis apprenti cuisinier et je suis en internat en fait. Ah merde! Ah ouais, d'accord, donc là tu peux rien faire quoi. Ah, il peut faire la cuisine avec. Les douches collectives et tout, franchement, la faire. Ouais, bah là tu peux effectivement pas faire grand chose. Bon, attends, il y a aussi Thibaut qui est avec nous là. Salut Thibaut! Ouais. Comment ouais, ça va? Bonjour! Ça va? Ouais, ça va. Bon, tu voulais réagir toi aussi par rapport à Mathieu? Ouais, Mathieu! Ouais! Ouais, c'est un conseil, mais t'habites dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude? Ouais! J'ai fait avec une du sel et un peu de poivre. Pourquoi tu veux mettre ça dans l'eau chaude? Bah, comme ça va la faire rafraîchir un peu. Eh, mais vous êtes pas en train de cuisiner une langue, ouais, et, une langue, hein. Et alors tu remets un petit peu de sel et du poivre là, tu mets quelques épices et puis on va la bouffer. Une omelette. Voilà, c'est ça, ouais. On va faire un hot dog. Attends, Mathieu, ça bouille, c'est bon. Mathieu. Ouais. Puceau, vous. Ouais, ouais. Ah non, il est une meuf, Thibaut. Mais non, il est puceau, c'est un PD, il se prend des bites dans le cul. Oh là là, Thibaut. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est viens là, je t'allume, Thibaut. Eh, Thibaut. Ouais. C'est même pas drôle ce que t'as dit. Mais Mathieu, c'est un puceau, c'est un oui, puceau. Oui, d'accord, ok. Bon, allez, Thibaut, oh là là là là. Et vous avez quoi ce soir? Pas tant qu'à pour une généralité. Deux d'affilée, ouais, c'est rien, Mathieu, l'espi, c'est. Il y a le Messi de Laval aussi qui dit avec la Gaulle qu'il a, il peut faire du baseball avec sa queue. Il y a Valou aussi qui dit tu peux faire une big dédiée à ma meilleure amie, elle s'appelle Mimi, merci d'avance, je vous kiffe. Et il y a Anaïs aussi qui dit mon homme est parti chez lui pour vous écouter seul, c'est bien, mais sans lui, c'est triste. Il me reste toujours ma cendre d'amour, alors ça va. Oh, eh ben oui, c'est bien parce qu'il dit bon, écoute, je pars chez moi, comme ça j'écoute l'émission, mais seul. Sympa quand même le mec, hein, tu vois, le mec il est quand même bien à la cool. Bon, reste avec nous, Mathieu, on va revenir avec toi dans un instant, on aura Martin également, et puis on va rappeler aussi le monsieur Bas là. Ah bah oui, monsieur Bas. Pour voir si on peut rentrer en contact avec Michael Jackson. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. 1h27, on est en direct sur Fun Radio, prenez le contrôle de la radio, on est là jusqu'à 2h. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 pour la Belgique. Et je vous rappelle aussi qu'il y a votre PS3 à gagner là dans 30 minutes là, la laissez pas partir aux autres, elle est là, elle est disponible, ce serait con en plus. Là. Voilà, et guettez bien aussi vos messages privés, parce que si on vous est tiré au sort, on vous envoie un message privé pour avoir votre numéro de téléphone. Hein. Facebook.com/MickaelOfficiel. Allez, bonne nuit tout le monde. C'est Fun Radio avec le son de Showtech à l'instant, c'était Slow Down. 23h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les polars. No limit. Sur Fun Radio. Ah ouais, avec les nouveaux amis de Toff, en plus là on est bien là, on s'est bien, oui, on s'est bien cool. Mis. Bah oui, les nouveaux amis de Toff, ils ont la cool. Bon, dans un instant, on va prendre Sonia, Mathieu également. Sonia qui avait un conseil à filer à Mathieu. T'es déjà là, Sonia? Ouais, je suis là. Bon, tant mieux, très bien. Bah, Sonia, salut, tu restes avec nous. Salut, hein. Bah, salut Sonia, sois la bienvenue. Bon, est-ce que tu connais Michael Jackson? Ouais. Ouais, tu sais qu'il est mort depuis... Depuis un moment. Voilà, c'est ça. Et comme c'est son anniversaire aujourd'hui, enfin ça aurait dû être son anniversaire aujourd'hui, bah, on essaie de le joindre via un... Qu'on appelle ça un marabout. Un marabout, ouais, voilà. J'ai entendu. Bon, donc on a fait le premier appel, le méga a dit appelez-nous dans 5 minutes, donc on va le rappeler maintenant. T'as encore 2 minutes devant toi là Il n'y a pas de souci, ouais. Bon, parfait, bah bouge pas, attends, on va l'appeler en direct là maintenant, c'est parti. Hop là, on rappelle le marabout maintenant pour voir si oui ou non on peut rentrer en contact avec Michael Jackson. C'est parti. Allez. Belle. Oui, professeur. Ouais. Dites-moi, je vous avais appelé tout à l'heure là pour l'anniversaire de mon ami. Ouais, maintenant vraiment il est déjà content là, parce que là où là il était là, il est très très content là, monsieur. Comment il est? J'ai dit, vous avez fait l'anniversaire de votre ami, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bah, je voudrais, oui. Voilà, parce que tu m'as dit qu'il est mort, ça fait longtemps, bah, n'est-ce pas? Ah bah il est mort, oui, il est mort en 2008. Voilà, il est mort en 2008 et là, pour le moment, il est très très content parce que là où là qu'il passait avant, là où là qu'il était, mais il n'était pas un bon mauvais. Il était bon ou mauvais? Ouais, il était maintenant aujourd'hui, vous avez fait l'anniversaire, pour le moment, il était un bon résultat maintenant. Maintenant, là où là qu'il était, là, il était très très content là, monsieur. Il est content. Ah d'accord, voilà, ok. Voilà. Et il est très très content. Il est déjà rigolé tout le temps. Voilà. Maintenant, Ah bah vous me rassurez parce que j'étais inquiet. Hein. Voilà. Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Passez. Tu sais, si quelqu'un est mort, monsieur. Oui. Attends, en fait, je vais t'expliquer que si quelqu'un est mort, oui. Vous faites l'anniversaire. Nous, ce qu'on fait, c'est pour les fidèles. D'accord. C'est pour faire la prière à quelqu'un qui est mort. Dès oui, il faut mort, prier. C'est fini. Voilà, si quelqu'un est mort, soit on ne peut pas les prier. Là où là qu'elle était, il passait pas. Dès qu'elle est mort, là où là qu'elle était. Bien sûr. Voilà, c'est pas bon pour lui. Non, c'est très mauvais, évidemment, surtout là, voilà, pour sa santé. Voilà, c'est pas bon pour lui. Mais en fait, ce que vous avez fait là, c'est très très bon, monsieur. Ah, c'est très bien. Ah, bah, je suis content. Voilà. Écoutez, bah, vous me rassurez. Hein. C'est très très beau. Parce qu'en fait, c'est très important. Si quelqu'un est mort, maintenant, ouais, il est mort. Maintenant, ah, bah, là c'est sûr. Hein. Le derrière, maintenant, c'est vous qui va faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, voilà, c'est lui qui... en fait, si quelqu'un est mort comme ça, parce que s'il est mort, il est mort. Lui aussi, il fait rien. Ouais. Voilà, maintenant, les derrière, les gens qui sont derrière de lui, c'est vous qui doit faire quelque chose. Comme, par exemple, pour aller au prière comme ça, pour aller faire, la cimetière comme ça. Oui, ah bah, enfin, c'est loin, hein, c'est à Los Angeles. Voilà, en fait, pour aller au cimetière, pour aller déposer le fleurs, ça aussi, c'est très, très important si quelqu'un est mort. D'accord, bon, bah, écoutez, je vais aller la voir, alors, aller la voir là-bas, quoi. Non, c'est, non, en fait, même si tu n'es pas allé la voir, même si tu dois faire la prière pour l'église comme ça, tu ne peux pas pour l'église, tu fais la prière. Oui, oui. Non, bah, donc, il faut que j'aille à Los Angeles. Non, c'est pas important, même si tu es parti là-bas aussi, même si ici, en France, il y a des églises. Ouais, enfin, c'est mieux d'aller sur place quand même, non? Comme ça, je permets de prendre 15 jours de vacances, quoi, en même temps. Voilà, même ici, il y a des églises. Mais nous, on ne participe pas à l'église parce que nous sommes des musulmans. Ah, d'accord. Ouais. Parce que là, je suis déjà dans l'avion, voilà. Là. Hein. Voilà, en fait, moi, je suis le musulman. Moi, c'est les mosquées. Soit la prière, j'ai fait la prière. Si quelqu'un est mort, on va faire la prière pour lui. Faut que lui, c'est mort comme ça. Il doit content là où là qu'il était. Faut qu'il content là-bas. Oui. Je comprends, sinon, c'est très clair. Pas de problème. Voilà, monsieur. Bah, écoutez, merci beaucoup, hein, professeur. Hein. Ok, d'accord. Derrière, merci. Je vous en prie, au revoir. Allez, merci, au revoir. L'appel était gratuit. Ouais, mais il était là ou là? Je sais pas. Il y a Asya qui dit waouh, c'est quoi cet accent? Clara qui dit oh bah si Michael Jackson est content, tout va bien. Ah, oui, bah, c'est voilà. Vrai. Bah, au moins il est rassuré, tu vois, au moins il est content. Ouais, mais on sait pas s'il est là ou là. Oui, c'est ça. Il y a Rivaldi aussi qui dit vous comprenez quelque chose avec le marabout, il y a un décodeur dans la salle ou pas? Moi j'ai rien compris, je te rassure tout de suite. Clara qui dit alors Michael Jackson il est localisé? Bah non, apparemment pas terrible. Je vous écoute jusqu'au bout, même si je suis crevé, continuez comme ça, j'ai hâte que tu localises Michael Jackson. Et puis Benjamin qui dit Michael Jackson est donc au paradis, je suis rassuré, Marabout. Bah oui, écoute, c'est quand même pas mal. Et Banana qui dit un petit lance-flamme pour un gros tweeteuse comme moi. Oui, t'inquiète, allez, tiens. Voilà, Banana. Et Camille avec un K. Ah oui, ça c'est par rapport au Viagra, tiens. Hey, Camille, on va te lire ton message dans un instant. Mathieu, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, tiens, il y a plein de messages qui sont arrivés. Camille avec un K qui dit alors par rapport au Viagra, puisque t'as quand même bouffé 12 pilules de Viagra comme un idiot que tu es, pour un pari, donc depuis t'as la gaule depuis 3 jours. Et donc Camille avec un K sur Twitter qui dit trop de Viagra égale infarctus du myocarde grave. Exactement. Mort subite, hémorragie cérébrovasculaire, oh bah, hypertension. Tranquille. Ah, rien de grave, quoi. Et Arnaud qui dit Mathieu, arrête de te la toucher. Et Marvin qui dit je vous suis en direct. Merci, Marvin. Bon, du coup, Sonia, toi, tu es quoi? Tu es médecin? Non, du tout. Mais j'ai un pote qui a fait le même genre de conneries. Et alors? Et alors, à l'époque, parce que j'étais à l'époque au lycée, ouais. Et le jeune homme, pareil, on était en internat aussi, il a fait ça à l'internat, et il s'est retrouvé pendant une semaine avec une gaule d'enfer, donc c'était un peu la honte. Pour une semaine, cours, hein, quand même. Ouais. Oh putain. Et au final, malheureusement pour nous, on était en plein hiver, et chez nous, quand il neige beaucoup. Donc ouais, t'es où toi? T'es à Chaumont, en Haute-Marne, ouais. Voilà. Et Il a fallu qu'on l'emmène. Enfin, il a fallu que je prévienne le directeur pour qu'il l'emmène à l'hôpital parce que c'était pas possible. C'était. Mais il a dû t'en vouloir en plus que t'aies prévu le. Il t'en a pas voulu que t'as prévu le directeur? Ah bah non, mais en même temps il avait pas trop le choix, quoi. Donc c'était Enfin moi j'ai plus flippé pour lui parce qu'il se plaignait souvent de mal de tête, vertige, il avait des palpitations, mal dans la poitrine. Donc J'ai pas voulu risquer, on sait jamais. Non mais t'as bien fait hein, dans l'absolu, t'inquiète pas, hein, je dis pas que t'as mal fait, loin de là. Hein. Il y a Loïc sur le Facebook ici aussi, mets-le sur le front de ta copine, ça fera une licorne. Il y a Laure aussi qui dit l'usage de Viagra pour s'amuser diminue l'érection naturelle. Marie qui dit une douche bien glacée, mais quel pari à la con quand même, hein, cherche le mal. Il y a Bézanli aussi qui dit mort de rire, quel con. Alison qui dit démerde-toi maintenant. Valou notamment qui dit trouver une meuf et qu'elle s'occupe de lui, en plus elle devrait être contente, sinon hosto, quelle idée en même temps. Chloé qui dit pareil, désolé mais je crois que tu vas être obligé de la couper. Hein. Eh ben on n'est pas à l'abri, on va venir te la couper, il n'y a pas de problème. François, non, l'eau froide c'est pas une bonne idée. Ouais, en plus non. Il est en internat clinique, un choix il doit trouver facilement. Non, l'eau froide c'est pas une bonne idée, ça accélère la circulation du sang et ça accélère les palpitations, ce qui entraîne à la crise cardiaque. Attends, c'est pas le top. Mathieu. Ouais. Allez. Prépare-toi. On arrive. J'arrive. Voilà, tu la mets sur la table et on va la couper. Non mais ça, attends, t'imagines, tu vas chez le médecin, il dit bah on va couper, hein, monsieur. Hein, Je suis désolé, on peut rien. Ouais, non, faut qu'il aille à l'hôpital là. Ah bah là, il faut qu'il aille. C'est pas le médecin, c'est pas la pharmacie, c'est direct l'hôpital. Hein. Ah bah ouais, putain, ouais, c'est ce que j'avais dit, hein, faut y aller, hein. Mathieu. Et même si t'es dans la honte, t'en tapes. Au moins t'es sûr de. Au moins tu garderas ta bite, quoi. Ouais, voilà. Parce que sinon, mon pote, il a mis du temps avant de pouvoir s'en servir. Hein. Ah ouais, sans déconner, combien de temps? Il a mis plus d'un mois. Oh putain. Ah bah tu étais bien dans la merde, mec. Ouais, c'est clair. Vaut mieux pour toi, Mathieu, que t'ailles à l'hôpital. Tu vas voir le directeur de ton bahut et. Ah sinon. Qu'il y a de mieux à faire. Quoi. Sinon, on a toujours le système. Tu viens et je te dis, nous on s'arrange, hein, on est équipés. Hein. On est des professionnels. Et nous, on est tranquille, hein. Pas besoin de sécu, non. Pas besoin de rien, on te fait tout gratuit. Pour cicatriser, on met un bon coup de lance-flamme. Exactement. Voilà, ça. Hop, ça cicatrise un bon coup. Voilà. On est pépère. Non, mais vraiment, vraiment. Bon, et dites-nous ce que vous avez déjà fait aussi, vous, là, comme autre pari stupide, là, entre Orlando, là, qui a bouffé des trucs laxatifs, là, ouais. Mathieu, qui a bouffé bêtement du Viagra, et toi, Sonia, t'as déjà fait des paris stupides? Ouais. Et vas-y, c'est quoi? J'ai pas kiffé. J'ai mangé des piments mexicains. Bah, c'était à l'époque aussi, c'est un pari de merde. J'étais dans un lycée professionnel et il y avait une section hôtellerie, donc ils avaient des piments mexicains. Et pari débile, bah, j'en ai bouffé trois et j'ai fini à l'hôpital avec un ulcère. Non! Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. Mais trois d'un coup, direct ulcère. Ah ouais, ça fait hyper mal. C'est j'avais la bouche gonflée en feu. J'avais dit, enfin. Techniquement, ouais, on va dire ça comme ça, une bouche à pipe. Ah, écoute, quand est-ce que tu remanges des... Sonia, je me demandais justement combien tu pouvais mesurer. Ah non, franchement, c'était moche, quoi. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Combien mesures-tu, Sonia? 1m74. Combien pèses-tu? Allez, là, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Alors là, ça, je peux pas le dire. Mais si tu peux, on peut tous dire, Sonia. Je fais un 105D. Ah oui, quand même. Ah oui, ça c'est comment c'est-à-dire D comme D quoi. Oui, D comme D. Ah bah les mignons sont contents. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Ah oui. Ah oui, ils sont déjà au taquet, hein. Bah, j'en connais un qui est pas prêt de redescendre. Hein. Bah ouais, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que l'autre, il va avoir la goutte la nuit, la Mathieu, on l'imagine dans le dos, ça aussi. Bon, mais merci Sonia, en tout cas, allez te passer. Hein. Merci à vous. Je te fais des bisous, ciao à toi, et tu reviens quand tu veux sur Fun, à bientôt, ciao. Et si vous avez aussi d'autres conseils à filer, là, est-ce que vous avez déjà aussi fait des conneries comme ça de paris stupides? Mathieu, reste encore un petit peu avec nous, s'il te plaît. On va se mettre le son de Calvin Harris tout de suite sur Fun, avec I Need Your Love au cœur du Nord sans pub. Allez, bonne nuit tout le monde, c'est Fun Radio, Mickaël, No Limit, jusqu'à 2h. I need your love, I need your time. Calvin Harris à l'instant sur Fun Radio, c'était I Need Your Love. Plein de messages qui arrivent aussi là en direct là sur Facebook et Twitter. Valou qui dit, moi j'ai bu de l'eau oxygénée, c'était horrible, je le déconseille. Sans déconner, Valou, t'as encore de la chance d'être avec nous toi. Le Prince Nadia qui dit aussi, ce marabout est gratuit, c'est rare. Grâce à lui, on sait que Michael Jackson est heureux et nous voilà rassurés. Effectivement, on l'avait appelé tout à l'heure, là le marabout. Et comment il s'appelait, Monsieur Bar? Monsieur Bar. Voilà, il y a Valou, attends c'est quoi? C'est Valentin qui dit, on lui coupe, ça ira plus vite effectivement là. Charlotte qui dit, je suis crevé, en plus je me lève à 6h du matin mais j'arrive pas à couper la radio tellement vous êtes bien, je vous kiffe, je fais que de rigoler avec vous, kiss à toute équipe, merci Charlotte, et bon courage pour merci Charlotte. Je vais même pas dire demain matin, bon courage pour tout à l'heure. Est-ce que Toff écrit et garde précieusement toutes les mensurations des auditrices sur un cahier pour faire un comparatif? Évidemment, non mais sérieux, hein. Bien sûr, moi je peux vous donner toutes les mensurations de la journée. Il a des diagrammes. Non mais il garde tout, hein, vous inquiétez pas, hein, vraiment véridique. Il y a Timothée qui dit, mon pari con c'est d'avoir bouffé, ah oui, une énorme cuillère à café d'harissa et j'ai vraiment eu mal. Ouais, mais oui. Ça passe là, harissa, c'est léger. Ouais, non, mais d'accord, mais bon. Le banana des mignons, les bananas des mignons m'ont mis de bonne humeur. J'espère que vous allez encore et toujours gérer jusqu'à la fin dans le dernier quart d'heure restant. Bah écoute, on va essayer évidemment. Hein. Et puis on va rappeler encore une fois là par rapport à l'hypochondriaque. Allez, on y va. Allez hop, c'est parti, on y va depuis tout à l'heure. Hein, donc on est tombé, c'est qu'on a lancé le sujet parce que bah du coup, quand j'ai pris ma douche ce matin, je me suis mis un coup dans les couilles parce que la serviette est tombée, j'ai voulu la rattraper. En la rattrapant, je me suis donné un coup de poing dans les couilles. couilles. Donc ça fait mal, hein, voilà. Ça, pour ceux qui n'avaient pas encore testé, c'est sûr, ça fait mal. Et donc du coup, on s'était dit, tiens, on avait dévié sur les hypochondriaques. Et donc du coup, Batoff s'est fait passer pour un hypochondriaque. Et donc on a appelé plusieurs personnes. Là, c'est parti, on y va. On appelle maintenant donc. Hop là, ça c'est deux sources là qu'on écoutera dans un instant. Tiens, pourquoi j'ai le truc qui marche pas, dis donc. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et donc vous savez maintenant, hein, Doxos va arriver dans quelques instants avec It's You sur Fun Radio, c'est parti. Voilà, ça sonne. Allez. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui? Oui, je vous appelle parce que je suis pas très bien. Voilà, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais il m'arrive des choses bizarres, des choses étranges. Ah, mais je suis pas médecin, hein. Ah bon? Ah non, c'est mon nom de famille. Ah oui, donc vous êtes bien madame, vous êtes bien médecin, madame. Non, je suis pas médecin, c'est mon nom de famille. Oui, c'est bien ce que je dis, donc vous êtes médecin. Non? Bah attendez, moi j'ai cherché médecin dans l'annuaire, je tombe sur votre numéro. Ah bah oui, mais c'est parce que c'est mon nom de famille, c'est comme je m'appellerais Boucher, c'est pas forcément un boucher, voilà. Je comprends, c'est parce qu'on est après les heures, vous voulez pas me recevoir. Mais non, monsieur. Parce que bon, voilà, moi je suis vraiment pas bien, madame. Non, mais je suis désolée, pour que vous appeliez le 15 dans ce cas-là, ou vous appelez, mais moi je suis pas médecin. Parce que là, vraiment, je suis pas bien. Mais non, monsieur, au revoir. Mais non, mais raccrochez pas. Allô? Ah bah si, il a raccroché là, attends, on va le rappeler. Bah non, attends, c'est bon, on peut faire un effort quand même. Allez, c'est reparti. Allô? On rappelle. Oui, madame, c'est pas sympa, vous avez fait le serment dit. Mais je suis pas médecin, monsieur, là. C'est mon nom de famille. Alors, je vais raccrocher à nouveau, et vous appelez SOS médecin, mais je ne suis pas médecin. Mais j'ai pas besoin d'un super-héros, un médecin normal, ça suffit. Bah excusez-moi. Bah on l'en prie, hein, elle doit pas s'excuser en partant, hein, c'est pas un problème. Bon, on va prendre Christophe avec nous là maintenant. Là. Christophe qui est avec nous, je rappelle aussi que dans moins de 10 minutes maintenant, on fait le tirage au sort sur le Facebook pour vous offrir votre PlayStation 3. Ouais. Donc si vous voulez choper votre PS3, là, il vous reste 10 minutes. Hein, vous y allez maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Alors, il y a Romain qui dit « Mikael, tu m'as pas encore cité ce soir ». Ah bah tu vois, c'est fait Romain. Il y a Little Princess aussi qui dit « Moi, je veux bien donner mes mensurations à Toff ». Bah écoute, vas-y. Little Princess. Benjamin qui dit « Ça fait 19h d'affilée que je suis réveillé, mais c'est pas grave, je tiendrai pour vous jusqu'à la fin. » Merci Benjamin, et surtout il reste 10 minutes, ce serait con de rater les 10 dernières. Le piment, si ça pique à l'entrée, ça pique à la sortie. Oui, pas faux. Ouais. Nico qui dit aussi tellement drôle le marabout de tout à l'heure là. Ryan aussi qui dit au mec des Viagra qu'ils boivent de l'huile de foie de morue, ça te fait débander direct. Salut Mickaël, et j'espère gagner la PS3. Et ben je te le souhaite en tout cas, Ryan, et puis Carole aussi qui dit je te fais un massage de tes boules, Carole. Bah écoute, si c'est proposé, c'est gentiment, hein, pourquoi pas. Assia aussi qui dit Mickaël, vous gérez, on se cale des barres avec vous, continuez comme ça. Et Jules qui dit salut l'équipe, bravo à vous, très bon délire tous les soirs, j'ai un numéro bien, mais je le mets où? Bah tu peux soit l'envoyer par SMS, soit tu me fais un mail mickaël@funradio.fr. Alexis qui dit c'est la première fois que je vous écoute, vous êtes juste énorme. Merci Alexis, sois le bienvenu, et n'oublie pas de prévenir tes potes également qu'on est là tous les soirs, hein, de 23h à 2h du mat, du lundi au jeudi, et le dimanche de 20h à minuit. Et des Hugo aussi qui dit Dieu créa le reste. Attends, c'est Mickaël, Dieu créa le reste, c'est Made in China, vive l'émission. Et puis Clara aussi qui dit ah ben le lance-flamme, tout le monde suit, ça réveille, effectivement. Bon ben soyez tous les bienvenus, hein, si vous venez de débarquer, les nouveaux, tout ça, merci à vous de vous être branchés sur Fun là juste à l'instant. Et puis ben, Christophe donc qui est avec nous là maintenant de Sens. Allô Chris. Allô. Allô, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Bon, t'appelles de Bourgogne, 89? Ouais. Très bien. Donc toi tu voulais réagir au pari débile par rapport à l'autre là qui s'était bouffé 12 pilules de Viagra là qui a la gueule depuis 3 jours. Ouais, ça c'est chaud quand même. Ah bah je te confirme, hein, surtout pour lui, hein, comment t'expliquer que... J'aimerais pas être sa place quand même. Non, moi non plus, mais pas du tout. Il y a plein de messages qui arrivent d'ailleurs aussi. Hein. Il y a Thomas qui dit sérieux, je savais pas qu'on pouvait être aussi con, mais ce mec va se faire des meufs. Et encore, même pas. Guillaume qui dit aussi un de mes potes a bouffé 2 boîtes de somnifères et un antidépresseur. Oui bah il est mort aujourd'hui à mon avis, hein, Guillaume. Il y a Camille aussi qui dit tu te la mets dans le cul, bidon. Et Nicolas qui dit bois de l'eau pour éliminer les toxines, ou trouve-toi une Sex Friends. Et alors Hugo aussi sur le Facebook, si t'es excité, prends Excitos, pas avant 6 ans et déconseillé chez les femmes enceintes. Et alors Arnaud qui dit mets des glaçons carrément, bah pourquoi pas, ouais, effectivement. Bon, alors du coup Chris, ah oui ça y est, on est top tweet aussi avec le hashtag et Mickaël Bazooka. Non, juste Mickaël. Ah, juste le hashtag et Mickaël. Ouais. Bon, bah, d'accord, ok, très bien. Bon, ben bah, merci à vous, hein, tous les tweetos là qui sont connectés sur le Facebook, là c'est gentil. Bon, alors Christophe. Ouais. C'est quoi ton pari débile? Disons que c'est pour une soirée on a fait donc genre le pari c'était de bouffer un peu tout ce qui nous passe sous la main. Ouais. Donc tout ce qui est donc on a pris un genre un verre et puis on a mis tout ce qui est ketchup, mayo, des œufs, de la terre, des vers de terre. Et Je m'attends au pire là pour la suite là. Bah disons que bah ouais bon je l'ai bu. Enfin, disons qu'on était déjà à bord parce que ça a été assez dégradant pour moi puisque j'ai fini à l'hosto avec lavage d'estomac et tout ce qui va avec. Bah, non, obligé. T'avais mis quoi, rappelle-moi encore dans le truc. Ketchup, moutarde, de la terre, verre de terre. Donc tout ce qui est bien dégueulasse quand on fait un bon mélange. Oui. Parce que le ketchup en soi ça va. Ça oui, ça va. C'est vrai que ça passe au goût du verre de terre quand même, mais bon. Bah ouais, mais quelle idée quoi. Et c'est quoi le pari en fait? Pourquoi vous l'avez lancé le pari? Bah en fait tout est bourré donc. Ah oui d'accord, tu te souviens même plus en fait. Non, j'avais pas de... C'est souvent comme ça quand on est bourré, on fait des trucs, on se souvient plus bien. Ouais je sais, y en a plusieurs des paris comme ça, mais bon celui-là était quand même hardcore. Ouais celui-là, mais surtout il avait l'air bien con quand même. Hein. Ouais surtout après quand tu t'en rends compte. Oui c'est ça, ouais. Oui parce que le lendemain évidemment quand t'as des saoulés que t'as l'hosto, tu te demandes ce qui se passe quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit les médecins? Ben monsieur vous avez bouffé de la terre, vous avez mangé des vers de terre. Voilà, et là effectivement tu te dis mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment je suis complètement con en fait. T'avais quel âge Christophe? À ce moment-là 18. 18? Ouais, bon, ouais. Allez, à la limite c'est excusable mais pas trop encore. Bah merci Christophe en tout cas d'être passé. Je peux avoir un pack fun, mais oui bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse dans un instant, d'accord? Ok, merci. Bon, je t'en prie. Salut à toi Christophe, ciao à toi, bye bye. Bon, on se refait un dernier appel là vite fait avant de partir. Bon allez, un petit dernier appel là pour les hypochondriacs, là on y va, on rappelle. C'est parti. Allez, un petit dernier. Et merci hein, pour vos messages en tout cas. Hein, avec les numéros de téléphone. Ah non, ça, je crois que ça avait décroché, autant pour moi. Voilà, c'est parti. Ah oui, forcément, à ce temps-ci, hein. C'est difficile. Ah, voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui? Oui, heureusement, vous décrochez encore. Voilà, je sais pas ce qui m'arrive, je suis pas très bien, je sais pas ce qui se passe. Mais qui êtes-vous? Je suis Toff. Et en fait, je vous appelle parce que là, je viens de perdre mes cheveux et je commence à avoir des fourmis dans les mains. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Mais moi, nous, on peut rien faire pour vous. On vous connaît pas, rien du tout. Oui, mais vous pourriez peut-être me recevoir pour voir ce que j'ai. Hein, peut-être. Comment? Vous pourriez me recevoir pour voir ce que j'ai. Pourquoi vous recevoir? Mais on n'est pas médecin ici. Mais en fait, j'appelle bien le médecin. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Arrête... Je vous assure que non. Mais si, arrêtez de me mentir, je sais bien que vous êtes médecin. Mais oui, mais comment vous avez eu notre adresse? Ben, j'ai cherché médecin dans l'annuaire. Mais allez voir, il y a d'autres médecins ici à Nice, écoutez. Ah. Mon mari n'exerce plus depuis je ne sais combien de temps. Vous voyez bien que vous êtes médecin. Mais mon mari, il n'a jamais exercé de la médecine ordinaire. Ah bon? Vous pouvez faire de la médecine pas ordinaire? Oui, il faisait la médecine du travail. Ah oui, non parce que en fait j'espérais que vous alliez me sauver la vie, pas mettre au travail. Écoutez, il y a d'autres médecins ici. Mais oui, mais enfin bon. Bah oui, mais enfin bon. Mais enfin bon quoi, attends, pourquoi tu t'arrêtais là? L'autre il s'arrête en plein milieu. Mais oui, mais enfin bon. Mais enfin bon, ben voilà, il s'arrête en plein milieu, qu'est-ce que je te dise. Bon bah ça arrive au meilleur, qu'est-ce que je te dise. On la rappelle pas? Bah non, on peut la rappeler. Non, c'est bon, en plus elle est aimée, elle a pas l'air toute jeune en plus. Eh, franchement, vous êtes pas cool avec vos grands-mères. Et grand-père, grand-mère, 1h56 du mat, vous balancez les numéros pour qu'on les appelle, pour les faire chier. C'est pas gentil. Mais bon, ça nous arrange bien. Tiens, il y a un message d'Andréva aussi qui dit Toff, je fais 1m70, 60 kilos, j'ai acheté un jean taille 40 et je fais du 95D, ça t'intéresse? Parfait, tout m'intéresse. Ouais, c'est ça. Andréva, c'est celle qui avait, il y a une ou deux semaines, là, qui avait proposé sa chanson avec musique de merde, mais avec un clip qui déchirait, là, avec des meufs super bonnes. Bah, si elle est comme dans le clip, je prends. Mais sans déconner. Ryan qui dit, moi, mon pari, c'était de boire du tabasco. Pas con. Enfin, si, con plutôt. Let's Be Freaks qui dit, mais tu sens mauvais ou quoi? Mais non, qu'est-ce qui t'arrive, lesbie flic? C'est-à-dire tu dois être la personne la plus citée dans cette émission. Mais oui. Et elle arrive encore à se plaindre. Quentin qui dit je vous kiffe, je peux faire des nuits blanches que pour vous. Merci Quentin. Kevin aussi qui dit encore une bonne émission à demain soir l'équipe. Et Little Princess qui dit 1m60, 45 kg, 95D, mon dernier pantalon c'est du 36, Little Princess. Très bien, très bien. J'aime beaucoup. Tu m'étonnes. Vincent aussi qui dit j'écoute jamais mais vous êtes ouf, le Mathieu a plus qu'à dormir sur la béquille ce soir. Et oui. Pourquoi t'écoutes jamais Vincent? C'est pas bien. ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Eric qui dit bon appétit, bien sûr. Et puis Marise qui dit encore une bonne soirée passée avec Mickaël. Ben encore, en tout cas, on a passé une bonne soirée avec vous également. Et Timothée qui dit aussi vas-y, fais une vidéo en bouffant de la harissa, tu vas voir. Et Nicolas qui dit ma peur à moi, c'est de ne pas pouvoir écouter Mickaël et de le regretter après. Mickaël, nos limites. Merci, Nicolas. Bah, c'est clair que tu peux rater les trucs à tout moment, c'est ça. Et Turkish Boy qui dit c'est des fous, complètement fous, mort de rire. Et Paul qui dit vous êtes les meilleurs, je viens de vous découvrir. Merci, Paul. Sois le bienvenu sur Fun Radio. Et puis, sois le bienvenu dans Mickaël No Limit, surtout. Hein. Steph qui dit aussi, vous êtes débile, mais excellent. En parlant de débile, il y a une petite chanson que je vais vous passer pour le générique. Là. Vous allez voir, ça sort dans un instant. Et Valo qui dit chips, coca, Mickaël, Twitter, que demander de plus? Chips, coca, Mickaël, Twitter, que demander de plus? Bah, rien. Non, là, je crois qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal. J'ai beau réfléchir, je pense qu'on est pas mal. Il y a Alexandrine qui dit, je suis crevé, mais je veux tenir jusqu'à la fin de Mickaël, juste pour la musique de fin. On va la mettre dans un instant. On va, t'inquiète pas, Alexandrine. Théo qui dit, la meilleure libre antenne de la FM, c'est vous. Merci, Théo. Et puis Marion qui dit, je vous adore trop, qu'est-ce qu'on rigole. Vous me redonnez le sourire. Bah, c'est aussi pour ça qu'on est là. Et Victor qui dit, mes tweets sont filtrés ou quoi? Eh, hey, vous allez pas commencer. Il y a tellement de monde, je peux pas tous vous citer. C'est une conspiration. Oui. Mais c'est ça, surtout c'est que Let's Be Freaks et Victor, c'est les deux plus. Je veux pas dire que c'est les deux plus cités, mais en tout cas, ils sont pas loin quand même en termes de. Vous êtes les top tweets chez nous. Voilà, vous êtes top tweets dans l'émission. On les top tweets. Voilà. Et Marion qui dit je vous adore, qu'est-ce qu'on rigole. Et puis Rachid aussi qui dit encore une belle soirée avec la team de No Limit. J'ai grave kiffé, vous êtes trop drôle. Merci en tout cas à vous. Joséphine aussi, il dit des barres de rire, j'ai mal au bide à écouter vos conneries. Et Roxane qui dit embrasse Toff. Non, ça va aller, je passe mon tour si ça te dérange. Mais moi, pas. Je t'embrasse, Roxane. Je passe mon tour. Et Laurine qui dit encore une excellente émission, je vous adore, merci. Eh ben écoute, c'est bien gentil, c'est bien gentil. Ah voilà, on va faire le tirage au sort, cool, aussi ouais. Tirage au sort là pour le Facebook, on y va. On aura aussi attends, avant de finir, il y a Aurélien là qui est là. Aurélien dit Vilaine, salut Aurélien. Salut. Ouh, il est Vilaine. Comme ça c'est nul ça, par contre. Je vais chanter une petite chanson de Michael Jackson ce soir. Ah bah oui, c'est ton anniversaire. Et tout le monde tape des mains, tout le monde dans l'équipe. Tu t'emballes, Aurélien, là, non? Non, non, non, non, tout le monde tape des mains. Attends, c'est quelle chanson? Michael Jackson, Twitter. Twitter. C'est un nouveau titre, Twitter. Oui. Ok. Allez, la musique de Twilight. Tout le monde. Non, non, mais alors, allez, vas-y, on tape des mains, vas-y. Allez, j'entends pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans Belgique, on parle. Ok, Twilight. Oui, je suis bien avec et des mouettes molles. Aurélien, Aurélien, je viens d'avoir Michael Jackson là, il te passe un message. Oui. Voilà. Il vient de passer un message en speed. Allez, là dans l'émission. Là. Tout le monde. Ouais, allez, on retape dans les mains. Allez, une autre. Allez, Aurélien. Allez, t'as pas une autre chanson là, une autre chanson? J'entends pas, plus fort, allez. Non mais c'est normal parce que je viens de te parler, t'as pas une autre chanson là? Si, Cyril Falona, il avait les mots. Mais non, ça n'a rien à voir avec Michael Jackson. Je t'ai dit non, Aurélien. Aurélien, on veut du Michael Jackson aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... C'était théoriquement son anniversaire. Je vais chanter Billie Jean alors. Thriller. Non mais tu viens de la faire, Billie Jean. Mais non, il a fait tout. Ah oui, c'est vrai. Motherfucker. Je sais pas qu'il disait motherfucker, mais il connaît pas en fait. Il voulait juste passer à la tête de sa mère. Non, parce que tu connais les paroles. Je suis assez surpris, Aurélien. Hein. Ah, une autre. Merci, Il de World. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, vas-y, Il de World. Il de World. J'aime bien la scène. Non, il est pas mal. Soucis, ouais. Eh, tu peux nous faire aussi la plus connue de Michael Jackson, la I Need Your Love. Allez, joue love. C'est ce qu'a FIFA, ça l'enculé. Non, c'est pas mal. Attends, il y en a encore une autre qui était connue là. Putain, comment elle s'appelle? Blurry Lines. Blurry Lines. T'aimes bien les hamburgers. Elle est bien. Tu les connais, ouais, tout. Bravo, tu connais. Hein, franchement. Tout le monde tape des mains, allez, tout. Non, mais tu connais tout le répertoire. Oui, allez, tout le monde tape des mains ce soir. Ah putain, c'est bon ça. Attends, fais-nous celle de Michael Jackson là. Comment elle s'appelle? Smells Like Teen Spirit. Ah, j'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 grammes. Ah non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. La police. Aurélien, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es dédoublé là, Aurélien. Ouais, fais gaffe. Et redemande à l'autre Aurélien de revenir là. Aurélie. Ouais, voilà, c'est ça. Qui viennent? Oui. Voilà, très bien. Bon, alors du coup, tu peux là nous faire Smells Like Teen Spirit? Y'a un copain à moi. De Michael Jackson. Non, tu vois, c'est dédoublé, c'est mort. Ouais, c'est fini. Il est parti, c'est mort. Ça y est. Tu veux chanter Michael Jackson avec du pipeau? Bah oui. Allez, Paulo, pipeau, ouais, tu l'accompagnes. Bah, allez, c'est parti. Plaisir. 3, moi, 4. Je joue du pipeau. Allez, vas-y, on y va, Aurélien. 3, 4. Allez, tapez des mains aussi. Mais non, on fait le pipeau, Aurélien. Tout le monde, allez. Vas-y, on tape des mains là, Aurélien. Allez. Ouais, attends, je t'accompagne au piano. Allez, au piano, piano, piano. Vas-y, je suis là, on est au piano là. Allez. Mani. Ouais. Billie Jean Rockmare. Billie Jean Bob Marley. C'est nouveau, hein, c'est Bob Marley qui vient de débarquer là. C'est... En fait, il fait un pot pourri. Non, et pour le coup, c'est... Passer. Il m'a dit ouais, je suis jamais passé, j'ai envie de passer. Eh ben, écoute, tu vas nous laisser un bon souvenir. Merci de passer une dédicace. Allez, ben vas-y, tu l'as mérité. Vas-y. Gros dédicace à Quentin Rimbaud, Dylan Sadov, Jordan Carvalho. Un peu long là. Et à Florian qui est en train de bouillir. Très bien, ben on embrasse et tout le monde. Et Olivier de Cayado, Cayado en cuir, Cayado, allez. Très bien, allez, salut Aurélien, merci. Hein. Salut, gros big up à vous. Allez, ciao Aurélien. Bon, bah, du coup, Michael Jackson, je pense qu'il sert dans sa tombe trois fois là. Des... Minimum. Ah ouais, là, il arrive plus à dormir là, le pauvre. Hein. Je crois qu'il est content, il se dit putain, il nous regarde comme ça, il dit putain, ouais. Les gars, je suis bien, bien content de partir. Et il y a Lorraine aussi qui a bien analysé l'émission, pourtant on n'y peut rien. Pourquoi sur la fin d'émission, on tombe que sur des cassos? Michael Jackson doit se retourner dans sa tombe. Là, j'ai mal au ventre tellement il me fait rire. Ophélie qui dit l'oreiller, il m'a tué. Mr. Steven aussi qui dit mort de rire, il est trop fou celui-là. Kevin, massacre des chansons de Michael. Michael Jackson, cet homme a déshonoré mon prénom, c'est Aurélien qui a envoyé un message. Nadia qui dit merci Michael pour cette super soirée qui est encore une fois passée trop vite, un pur bonheur. Axel aussi, Axel B qui dit Twitter plus Michael no limite égale nuit blanche, cocktail explosif. Thomas qui dit Michael, vous m'aimez pas, moi je veux ma baffe. Bah et vas-y, tiens, prends-la dans la tronche. Voilà, tu la tiens Thomas, la bonne nuit. Emeline aussi qui dit reste toute la nuit Michael, ça passe trop vite avec vous, je vous aime. Oh, c'est gentil Emeline. Pauline aussi qui dit Michael magnifique, qu'est-ce qu'il est magnifique ce chanteur. Il a fumé la moquette. Écoute, je ne crois pas, je ne sais pas. On en apprend des choses en écoutant Michael. C'est Hakim qui dit ça. Et puis juste mort de rire là, toute l'équipe qui découvre Grinder. Ah oui, c'était tout à l'heure, c'est Victor qui avait envoyé le message. Et fausse joie donc pour Toff par rapport à Grinder, effectivement. Ouais, c'est très tout déçu. À fait. Bon, vite fait le tirage au sort là pour la PS3 maintenant. On y va, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant est déjà en retard, 2h05. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, et elle repart avec. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Simon. Salut Simon, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là. Non, on t'a appelé parce que on t'a fait un petit message privé là sur le Facebook, tu nous as filé le numéro, tu décroches, et la PS3 elle est pour toi. Ah c'est sur mes, merci beaucoup. Et ben voilà, et je t'emmerde, je peux raccrocher au nez donc. Bon ben voilà, bravo à toi, je t'en prie. Merci, bonne soirée, bisous. Avec plaisir, salut à toi, bientôt. Et comment tu t'appelles, c'est quoi ton prénom, j'ai oublié? Simon, voilà, c'est ça, très bien. Merci Simon, salut à toi et bonne soirée. Hein. Salut, bonne soirée. Et à bientôt. Et je vous rappelle pour les autres, si vous voulez qu'on fasse un petit match de FIFA demain là sur l'iPhone, si vous avez FIFA sur l'iPhone ou sur l'iPad, je sais pas si c'est compatible avec du coup si on est sur le Galaxy, je sais pas. Mais enfin bref, si vous avez sur l'iPhone par exemple et que vous voulez faire un match demain ensemble, n'hésitez pas à m'ajouter hein, sur FIFA, c'est Mickaël no limite sans le hashtag. Et on jouera ensemble demain. Il y a pas mal qui vont ajouter ce soir, donc je pense que demain je vais bien me marrer l'après-midi. Si bien je pourrais dire au boss, non mais quand tu vas me voir jouer, non mais je bosse là. Je suis avec des auditeurs, je travaille, si vous merde là, je suis en train de faire des matchs de FIFA. FIFA avec des auditeurs, c'est le travail, si vous croyez, c'est le travail, on bosse dur en fait, hein. Comme vous avez pu le remarquer, trop dur, ouais, effectivement. Bon allez, rencard demain à partir de 23h pour la dernière de la semaine sur Fun Radio, bonne nuit tout le monde, ciao. Un truc à dire, Mickaël, appelez Mickaël, nos limites, 01 42 48, 5000 sur Fun Radio. Ouais, bon, on va quand même pas partir sans dire bonjour, et sans dire au revoir aussi au final. Ouais. JB qui est en pleine forme. Salut. En pleine forme, Mickaël, comment ça va? Bon, bah écoute, ouais, ma foi, plutôt pas mal. Je t'ai pas dit le son qu'on va peut-être mettre là maintenant. Ah c'est quoi? C'est Robin Tick. Ouais c'est, mais je l'avais déjà calé, t'inquiète pas, sur. Ah je l'ai pas vu. Mais avant, il y a évidemment cette magnifique chanson de générique de fin. Ah oui, vas-y, allez. Évidemment. Alors manqué. Attention, tout le monde attend avec impatience, ouais. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, l'enculé. Tu prouves tes bites parce que tu sais pas l'enculé. T'es un enculé, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Toi qui encule ton nom, et un enculé, allez j'y vais. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Attention parce que si j'ai à Lucas ou à Jean, t'as dit enculé à l'antenne, je pense que tu peux mal le dire. Allez. Voilà, c'est le générique de fin de l'émission ou du début de JB, allez savoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu, JB va arriver. Quel cauchemar. Oh, que veux-tu? Ils sont canadiens. Allez, hop, tous en cœur. Toi l'enculé, j'y vais, n'ose pas. Toi l'enculé. te faire enculer. Et toi t'as un oncle, c'est un enculé. Oui, oui, les deux, on est des enculés. Voilà, et ben très bien, mais il ose pas, j'y vais. Hein. Non mais tu sais que j'en ai parlé à l'équipe de Bruno hier, à certains membres, ils étaient choqués. Hein. Non, je vais te dire, mon poteau, là, je vais te dire directement qu'on a fait bien pire. Hein. Oh là là. Voilà, Bruno dans la radio que vous retrouvez tout à l'heure dans moins de 4 heures hein, au final, hein, c'est ça hein. Ah bah là, 3h55. 3h55, ils seront là au taquet évidemment, en pleine forme. Et on vous salue tous, hein. Merci d'avoir été là ce soir aussi nombreux que les autres jours et de plus en plus nombreux puisque le score ne fait que grimper sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci à vous, merci Valou, merci Jeanne, merci Marion, merci Kess. Il y avait Evan qui était là également, il y avait Kevin, il y avait Raphaël Roux également, il y avait Vanessa, il y avait Hugo, Jérémy, Lilian. Et puis je vous rappelle également que si vous me faites un petit follow également sur le Twitter ou sur Instagram, eh bien je vous follow back. D'ailleurs je vais le faire maintenant. Tiens, salut à Pauline que je viens de follow backer. Je vais des mots. Il y a I'm Oxygène aussi, Florian là, il y a Ira aussi, Sardine, Addict, en tant que portugais je pouvais pas te zapper hein, Sardine Power, Alexis également, Miss Allison qui vient d'arriver, 19 ans Toff, Miss Allison. Parfait, je prends. Bah, j'imagine. J'adhère immédiatement. Voilà, et Soumia également qui vient de débarquer, je viens de follower également. Merci à vous les filles, les garçons d'être là ce soir, c'est cool. Bon ben voilà, on va se quitter maintenant avec le son d'inspire de Robin Thicke. Yeah baby, Robin Thicke, oh, maintenant yeah. Sur Fun Radio, on s'écoute. On s'écoute quel titre? Bloodlines. Oh yeah, motherfucker. Nice accent, yeah. Robin Thicke now on Fun Radio. Yeah, are you American, motherfucker? Yeah, American from Los Angeles. Allez, Robin Thicke et Bloodlines, on se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio. Ciao tout le monde, et c'est JB pour la suite jusqu'à 6h. Merci. If you can't hear what I'm trying to say.